Bienvenue sur Énergie, 5h55, nous sommes mercredi, c'est le 13 juin aujourd'hui. Ah, c'est le week-end. Ah ouais, ça y est. Bah, la loi est passée cette nuit à l'Assemblée nationale, enfin, si vous n'êtes pas au courant. Le week-end démarre le mercredi. Et c'est incroyable, dur jusqu'au lundi soir. Si t'es malade le mardi, ça te fait une semaine de vacances. Soyez les bienvenus sur Énergie, cette loi. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Désolé, il va falloir vous lever, il va falloir aller au boulot. Mais pas de panique, nous gérons totalement la situation pour vous. Ouais. C'est pas de moi, c'est du capitaine du Titanic. Et Dieu sait s'il avait pas raison. On est là, on démarre l'émission dans 5 minutes. C'est Manu dans le 6-9. Mais avant ça, comme chaque jour, on est entre nous, à 5h55. C'est le club du 5-5-5. Rapport à l'heure, 5h55. Ouais, bien trouvé. Belle liaison. Oh, disons que je travaille bien. Qu'est-ce qu'on se fait tous les jours à 5h55? Oh, on pourrait faire plein de choses. Ouais. J'ai proposé plusieurs choses. Oui, c'est vrai. Mais c'est la seule qui a été retenue, c'est d'écouter un titre. Oui. C'est bien dommage, j'avais les bonnes idées pourtant. Ouais. Et c'est déjà bien, effectivement, glandu. Chaque jour, on s'écoute un titre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Soit ça peut être une super nouveauté, soit ça peut être un titre qu'on n'a pas écouté depuis longtemps. Et là, je crois que c'est le premier titre d'Ellie Goulding. Oh. 2013 déjà, comme elle a grandi. Ellie Goulding, j'ai connu, elle était petite comme ça. Elle savait à peine marcher. Maintenant, c'est une grande fille. C'est Burn. Ah, cool. Ah, oui. Ça, c'est bien pour démarrer la journée. Ouais. On est avec vous, soyez les bienvenus. Oui, c'est mercredi, c'est milieu de la semaine, c'est bien. Oui. Et c'est Ellie Goulding sur Énergie. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Yeah, we got the fire. bienvenue sur Énergie. Il est 6h. Qu'on prépare le coq et qu'on l'amène. Énergie. Et qu'on le fasse chanter. On est de retour. Désolé. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. On va s'écouter le dernier Ariana Grande dans 2 minutes. Dans 10 minutes, pour se sentir moins seul, les concours du jour. Yes. C'est ouais. Important, des gens improbables qui font des choses improbables. On va vous raconter leurs histoires. On est là, on est de retour, c'est Manu dans le 6-9 et on démarre avec les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Un grand ouf de soulagement ce matin. Le ciel est enfin dégagé sur la quasi-totalité du pays. Et une belle accalmie qui fait du bien après les intempéries des dernières heures. Du soleil, des éclaircies au menu ce mercredi partout. Encore quelques orages en Nouvelle-Aquitaine malgré tout. Une quinzaine de départements restent en vigilance. Inondation de la Sarthe à l'heure en passant par les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Garonne. Cet après-midi, il fera 19 degrés à Sedan et comptez 15 jusqu'à 21 plutôt à Toulon. Plus 500% à Paris, plus 340% à Montpellier. Personne en France n'est épargné depuis le début du mois. L'écume cumuls de pluie sont hallucinants, ça va mieux en tout cas ce matin, notamment du côté des grands axes. Hier, de nombreuses routes ont été coupées pendant de très longues heures à cause des inondations. Un RER a même déraillé à la suite d'un glissement de terrain près de Paris. Selon les spécialistes, il faudra sans doute s'y habituer à l'avenir. En tout cas, le soleil devrait s'installer pour quelques heures, pour quelques jours même, au moins sur toute la France. Le point SNCF, 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 2 Intercités sur 5 au programme dans vos gares ce mercredi. Depuis hier, c'est officiellement le mouvement le plus long de l'histoire des cheminots. La CFDT, l'un des principaux syndicats, a décidé de faire une trêve pendant le bac la semaine prochaine pour permettre aux élèves de passer leurs examens tranquillement. À la CGT, par contre, on évoque déjà de nouvelles dates de grève pour le mois de juillet. Et puis pour ceux qui prennent ou qui partent de la gare Saint-Lazare, sachez que le trafic est totalement interrompu depuis cette gare et à destination de la gare aujourd'hui à Paris. La SNCF recommande d'éviter et de contourner si possible. Parcoursup, le dernier bilan actualisé, 78% des inscrits ont désormais reçu au moins une réponse positive pour leur orientation dans les études supérieures. Ça avance doucement. Dans l'actu également, aucun blessé hier lors de la prise d'otage qui a eu lieu en plein cœur de Paris. Un homme de 26 ans, connu de la police pour de la petite délinquance, a séquestré 2 personnes pendant 4 heures avant d'être neutralisé. Le forcené était apparemment déboussolé psychologiquement. Du foot, une grosse frayeur pour les Bleus à quelques jours de leur entrée dans la Coupe du Monde. Kylian Mbappé a quitté l'entraînement hier après un choc à la cheville. Heureusement, quelques minutes plus tard, il a tweeté pour rassurer les supporters. Rien de grave, selon lui. L'attaquant français devrait donc être opérationnel pour le match face à l'Australie samedi. Une sortie ciné ce matin, Ocean's 8 et son casting de dingue, Sandra Bullock, Rihanna, Kate Blanchett, Anne Hathaway. Il fallait bien ça pour remplacer Brad Pitt et George Clooney. Et l'histoire de 8 braqueuses qui font équipe pour voler un collier de plus de 150 millions de dollars. C'est le carton de la semaine au box-office américain. Un film énergie. Et puis avis aux fans de Stranger Things, la 3e saison ne sortira sans doute pas avant l'année prochaine. Alors pour patienter, on pourra se plonger dans la lecture de 2 bouquins consacrés à la série annoncés pour cet automne. Le premier explorera les coulisses de la série. Pour le second, il s'agira plutôt d'un manuel de survie pour résister dans l'univers du show. 6h03, c'est la fin de ce flash. Pour réveil, bonne matinée sur Énergie avec Manu dans 6-9. Bonne journée. Eh ben on est là, soyez les bienvenus sur Énergie, 6h03. Bonjour mercredi. Bonjour. Soyez les bienvenus dans cette journée qui s'offre à nous et dont on va profiter comme chaque jour, les amis. Ah ouais. Ouais. Le nouveau Ariana Grande, ça arrive pour vous dans 2 minutes. Il y aura aussi Z avec The Middle. J'adore ce titre. Ça fait tellement début de journée. C'est clair. Ouais. T'es là, tu prépares ton sac, t'es bien, tu pars de chez toi, t'as l'impression d'être dans un clip. Tellement. Ça arrive pour vous et dans 5 minutes, juste après le nouveau Ariana Grande. C'est les concours du jour, comme chaque jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. On va vous raconter leurs histoires. Ouais. Les moments du matin sont là. Laure est malade aujourd'hui, mais Paulette au standard est là, évidemment. Et il y a Nicolas Webb. En forme. Il y a Glandu. Très chaud. J'ai envie de vous demander, quoi de neuf dans vos vies depuis qu'on s'est quitté hier à 9h30 du matin? Paulette. Moi, je suis tombée sur un test de compatibilité amoureuse hier. Et apparemment... T'en es arrivé là donc. Je traînais sur un site. Les tests de compatibilité amoureuse, on ne traîne pas, on les cherche. J'avoue, j'ai cherché. Mais c'est pas grave. Tu as donc fait un test de compatibilité amoureuse? Exactement, sur les signes astrologiques. Et moi, je suis cancer. Ouais. Et apparemment, moi, ce qu'il me faut dans ma vie, c'est un lion. Et je ne suis jamais sortie avec un lion de ma vie. Et c'est peut-être pour ça que je suis célibataire. Mmh. Alors la question est, est-ce qu'on a un lion dans l'équipe? Non. Glandu, t'es quoi? Ouais, je suis lion, ouais. Mais moi j'aurais menti moi. Je suis lion, mais ouais, mais j'ai d'autres chats à fouetter du coup. Alors en revanche, les lions apparemment vont bien avec les vierges, donc c'est embêtant. Moi je suis heureuse avec le lion, mais le lion est heureux avec la vierge. C'est la vierge est heureuse avec la balance. Tellement l'histoire de ta vie. T'es fait pour être avec moi. Oui, mais non. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 13 juin et cela fait donc maintenant quasiment 30 ans que Paulette cherche. quoi de neuf dans vos vies, Nico Youeb? Dans la série Mes beaux-parents sont relous, j'ai une nouvelle histoire. Ouais, voilà. J'en ai régulièrement des histoires. Et là, j'en ai une nouvelle. Bah, disons qu'on a compris maintenant que tu détestes tes beaux-parents. Non, tu les détestes pas. Mais j'ai un problème affectif avec eux. Mais disons qu'ils sont un peu trop envahissants. C'est ça. C'est que là, en fait, ils sont en train de chercher un appartement à côté de chez moi. Ils veulent acheter. Donc, à côté de chez vous? Ouais, à côté de chez nous. Ouais. D'accord. Parce qu'ils sont pas du tout dans la même ville et du coup, ils se disent, comme on vient souvent, là, peut-être qu'il faudrait qu'on achète. Ah, mais c'est bien du coup. Mais non, mais parce que quand ils viennent, à chaque fois, ils squattent chez eux. Donc, Nico, on a un peu marre. Bah, du coup, s'ils prennent un appart, c'est vachement bien. Ils squatteront pas chez vous. Souviens-toi, ce que je viens de dire, c'est que mes beaux-parents sont relous. Donc il y a forcément un truc derrière. Ah, ok. C'est que du coup, ils sont en train de chercher un truc. Et la phrase de ma belle-mère hier a été, donc quand ils ont trouvé l'appartement normalement de leur rêve, la cuisine est petite, mais c'est pas grave vu qu'on sera tout le temps chez vous. Donc je sais plus quoi faire, je sais pas comment faire comprendre. Je veux quitter le pays. Globalement. C'est-à-dire que je me j'étais à ça. Ils vont être encore plus présents en fait oui, puisque ils auront un appart. Voilà. Donc c'est il faut l'occuper. J'étais content et c'est moi qui les ai aidés en plus à trouver cet appartement. Bah t'as mal cherché hein. Mais là ils te respectent plus quoi. Ton appartement il veut une dépendance. Donc c'est il faut que tu à un moment mets les points sur les i là, tu tapes sur la table. Tu sais quoi, je me demande si en fait l'appartement ils l'ont pas fait pour toi. Ils vont arriver chez toi, ils vont dire maintenant bah Nico toi. Nous on va rester avec notre fille. On t'a pris un petit appart à côté. Ok, oui, c'est ça. Mais la cuisine est petite, mais tu te débrouilleras. Je vous suis au courant de mon mariage dans les prochains jours. Dans les prochaines heures. Glandu, quoi de neuf dans ta vie? Et moi j'ai une question de célibataire que je me posais. Et du coup j'aimerais la poser à Paulette. Si tu veux savoir si tu es compatible avec les cancers, la réponse est oui. Ça j'ai laissé tomber. Non, moi c'est sur les boissons qu'on commande au premier rendez-vous. Je me demande est-ce que ça influence la décision de donner sa chance au mec ou pas. Tu vois, bah, par exemple, j'adore l'Oasis Tropical. Souvent, je commande un Oasis Tropical au premier rendez-vous. Et c'est mignon. Parce que Glandu est célibataire depuis quelques temps, donc il redécouvre les problématiques du célibat. Ouais. Mais alors, des fois, je me force, tu vois, à commander un Mojito. Parce que Mojito, je me dis, c'est basique, c'est classique, ça plaît à tout le monde. Tu vois, je t'ai vu en soirée, tu te forces pas pour les Mojitos. Mais je me dis, si tu veux mettre la petite touche sexy, tu commandes un Sex on the Beach. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors Paulette. Aucune des trois propositions qu'il a faites. Un verre de vin, ça c'est chic. Et en plus, si tu t'y connais un peu en vin et que tu choisis un truc sympa. Mais un verre de vin, genre à 22h? Oui, ouais. Et alors? Bah ça va, on n'est pas obligé de boire du Mojito tout le temps, hein. Des Mojitos tout le temps, les gars. Non, mais le verre de vin, c'est genre à l'apéro ou bien au début, quoi. Ah non, moi je trouve qu'à 22h, c'est classe un mec qui boit un verre de vin. Ouais, et des shots, ça veut dire on veut passer une bonne soirée? Ah non, des shots, ça veut dire t'as un problème avec l'alcool, hein. Okay. Bon bah t'as compris Glandu. C'est marrant parce que ton signe astrologique est compatible avec Paulette mais pas ta vie. Allez, 6h08 dans 3 minutes les amis, vous inquiétez pas, il y a pire que nous, c'est les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Si tu racontes leurs histoires dans 3 minutes, juste après Ariana Grande. Bienvenue sur Énergie. We turning it up, yeah. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. up. They point out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. I like them. I like them. We're way too fly to partake in all this hate. We are here. Bon réveil sur Énergie, les 6h11. On va écouter Z, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Mais avant ça, on va se faire du bien. Ouais. Avec les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Et après, on se dit waouh, en fait, notre vie, elle est pas si merdique que ça. Ouais. On démarre en Italie. Un homme est arrêté dans un parc parce qu'il est en train de faire l'amour. Mmh. Voilà. J'ai pas fini ma phrase. Il est en train de faire l'amour à un arbre. Oh. Mais non. Mais si. Oh le pauvre. Oh. Bah, le pauvre arbre. Oui, oui, bah, le pauvre arbre. Ah, ah oui, mais je m'en fous. Problème d'un arbre, bah, c'est qu'il peut pas courir quoi. Ouais. Il peut pas dire non. Ouais. Le mec fait vraiment l'amour à un arbre. Voilà. Et il se fait arrêter évidemment. Il sort alors cet argument imparable à la police. J'ai le droit, je suis un dieu, je suis Thor. Le héros de Marvel avec son marteau. Ouais. Alors non, la police a vérifié et ce n'était pas Thor, le mec est en prison. Oui, puis de toute façon Thor ne fait pas l'amour aux arbres. Hein. Écoute, je veux pas le savoir. Dans la Loire, en France, un homme cambriole un institut de beauté en pleine nuit et se dit avant de partir, tiens, j'essayerai bien les huiles de massage pour voir. Ah, c'est drôle. Et le mec s'allonge, il se met torse nu, il branche la musique douce qu'il y a dans la salle, il se masse. Et il s'endort. Mais non. Et si. C'est génial. Bah oui, ça détend trop. Hein. Bah, c'est génial, le truc, c'est qu'il a été réveillé par la police. Ouais. Ah oui. Donc, du coup, il est allé en prison, mais avec la peau douce et il sentait bon. Ouais, c'est ça. Ça, on peut pas c'est dangereux dans la cellule quand même. Hein. Tu sens bon, dis-moi, toi. Dernier concours du jour aux États-Unis, un homme commande 4 pizzas. Et quand le livreur arrive, eh ben, il le menace d'un revolver en lui disant. Tu me donnes mes pizzas et tout l'argent que t'as sur toi et tu t'en vas. Oh. Donc le livreur ben, lui donne les pizzas, tout l'argent qu'il a sur lui. Il s'en va, il appelle la police et il donne l'adresse du mec, le code, l'étage qui vient l'arrêter. C'est débile. Ah oui, bah, c'est complètement débile. C'est le concept de braquer chez soi. Bah non, ça ne marche pas. Allez, 6h13, les concours du jour tous les matins pour vous et vous vous dites, ouh, il y a pire que moi dans le monde. On revient tout de suite avec Z. Ça arrive sur Énergie, il est 6h14, soyez les bienvenus. Manu dans le 6-9, retrouvez-nous aussi sur l'appli Manu dans le 6-9. Et merci. J'ai des rêves durs à toucher, mais le mental pour me pousser. J'en vois trop qui sont touchés, mais j'aperçois le sommet. T'es venu au monde pour le combat, plus t'avances, plus tu te sens mal. Mais la souffrance est banale, tu donnes tout, mais t'as nada. Regarde bien la personne qui te poignarde, c'est souvent la plus proche. Tu comprendras la solitude quand t'auras plus rien dans les poches. Vas-y, fonce, t'es dupé, n'écoute pas ceux qui vont te freiner. L'impossible n'existe que par celui qui décide de le créer. Plus rien ne sera jamais pareil. Je veux ma vie de rêve et je pousserai pour l'avoir. Peu importe les sacrifices que je dois faire. Plus rien ne sera jamais pareil. Je veux ma vie de rêve et je pousserai pour l'avoir. Peu importe les sacrifices que je dois faire.

sur Énergie, il est 6h21. Une seule question. Quel est votre dilemme du moment? Quel est le choix que vous avez à faire en ce moment? 0-870-42-48, vous pouvez nous appeler. Juste après, on va s'écouter Dua Lipa. Paula, tu as un choix à faire en ce moment? Oui, hyper important en plus. Allez, vas-y, on va. En fait, j'ai deux invitations à dîner jeudi soir. Ok. Donc, soit je vais dîner avec mon voisin, soit je vais dîner avec mon prof de yoga. Il m'a invité aussi. Mais c'est les deux qui t'ont invité? Bah oui. Donc c'est des invitations. Ah, j'imagine. Enfin, premier rendez-vous, quoi. J'espère. Ah ouais. J'irai chez le voisin, c'est à côté, c'est pas loin. Ah ouais? Mais si ça se passe pas bien. Eh bah tu rentres, c'est pas loin. Ouais. C'est vrai. Alors, tu dis, tiens, j'ai oublié un truc chez moi, puis tu reviens plus. Ah, moi je trouve ça trop risqué parce que justement tu risques de le voir tous les jours quoi. Bah c'est Il vaut mieux décliner le truc et aller avec le prof de yoga parce qu'au pire tu peux changer le prof de yoga. Déménager c'est chiant. Il n'y a pas tort non plus. Ça. Mais le prof de yoga il est calme. Hein. Bon bah va chez le voisin. Bah, le voisin il est relou. Tu sais quoi, prends-en un troisième. Allez. On a Rudy avec nous au téléphone. Bonjour Rudy. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie Rudy. Attention, merci. Quel est ton dilemme du moment, le choix que t'as à faire? Alors, mon dilemme du moment, c'est que demain, c'est le début de la Coupe du Monde et j'hésite encore entre un écran HD et un écran 4K. C'est-à-dire que tu dois t'acheter. Tu dois t'acheter une nouvelle télé? C'est ça, tout à fait. Donc, tu veux te l'acheter pour demain? Tu veux donc l'acheter aujourd'hui? Ouais, c'est ça, j'y vais tout à l'heure. Donc, HD ou 4K? Je te dis 4K parce qu'en plus, maintenant, avec la PS4 Pro, tu peux jouer aux jeux vidéo en 4K. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as les jeux vidéo. C'est surtout sur ça que je voulais tes lumières. Alors là, tu sais quoi, c'est réglé, prends la 4K. Hein. Ouais. Mais tu vois vraiment une grosse différence avec la 4K. Parce que moi, j'ai une HD, elle est déjà très très bien. Hein. Elle coûte moins cher. Je peux te dire qu'avec la 4K, j'en ai pas, hein, c'est chez un pote. Ah. Et ben la 4K, t'as une. Ouais. Mais sinon, trouve-toi un pote, Rudy, qui a une 4K. Ah bah voilà. C'est ça. Et tu vas chez lui regarder tous les matchs de la Coupe du Monde. Ça coûte moins cher. Ouais, mais alors, il y a la Coupe du Monde, à un moment, elle va se finir. Et effectivement, oui, il y a les jeux vidéo. Et ben voilà, et ben la 4K, crois-moi. Ouais, il l'a eu. Hein. C'est quand même. C'est quand même... Eh ben, j'écoute l'expert. Ouais. Oh, t'inquiète pas. Ah, je suis expert en 4K, je suis nul en jeu, mais je suis expert en 4K. Merci de nous avoir appelé, Rudy. Quel est votre dilemme du moment, Nico? J'ai un mariage ce week-end et. N'y va pas. Ensuite, voilà. Non, j'ai un mariage ce week-end et en fait, je sais pas si je dois donner de l'argent ou si je dois piocher, c'est dans la cagnotte, dans le. Comment ça s'appelle? Dans la liste de mariage? Dans la liste de mariage, ouais. Alors, je vais te dire un truc. Souvent dans la liste de mariage, je sais pas comment t'as fait toi pour ton mariage. Ouais. T'as une liste de mariage, les gens choisissent un cadeau. Mais c'est après, ça. Tu peux tout convertir en argent si tu veux. Et t'achètes ce que tu veux dans la liste. Alors moi j'avais une cagnotte, donc c'était pour un voyage de noces. Mais après, ceux qui donnaient vraiment dans la liste, ils voulaient que j'achète les trucs. Les serviettes là? Ah ouais, les services en argent, je sais pas quoi là. Oh, c'est pas mal. C'est les grands-parents qui ça. Ils ont une cagnotte ou pas du tout? Ouais, justement, ils ont un truc. Bah dans la cagnotte, comme ça, ils font ce qu'ils veulent avec, c'est tu vois. Cool. Ouais, mais s'ils ont 4 fois la même chose, si tu vas sur la liste de mariage, ils peuvent avoir 4 fois la même chose. C'est pour ça qu'on dit la cagnotte. On est tous d'accord. Ah ouais, bah y'a pas de problème, c'est cool. Magali, bonjour. Salut Manu. Quel est ton dilemme du moment, le choix que t'as à faire en ce moment? Alors moi, c'est au niveau travail par contre. Je suis en poste fixe, donc j'ai un CDI sur Marseille où j'ai toute ma famille, où je suis installée depuis un petit moment. J'adore Magali, j'adore comment tu parles Magali, j'ai l'impression que tu t'adresses à un voyant. C'est clair. Et on me propose donc un CDD, ce qu'il y a c'est que c'est CDD, mais c'est sur Annecy quoi. Et super bien payé quoi. Et donc tu hésites à partir à l'aventure à Annecy ou alors à rester dans ton petit confort à Marseille? Tout à fait. Bah à l'aventure Magali. Bah quoi, faut le vivre maintenant. Mais Marseille, t'as le soleil, t'as le CDI, donc t'as le confort, t'as toute la famille, c'est quand et même pas mal aussi. Et la sécurité du CDI. Oh les vieux, vous parlez comme des vieux. Nous on veut le confort. Bah hein. Annecy en plus tu fais du ski l'hiver. Ouais, c'est cool. Alors Glandu. Et puis Annecy t'as le lac, t'as de l'eau comme à Marseille au final. Tu vois, tu peux te baigner. Pour terminer, deux personnes sont pour Annecy, deux personnes sont pour Marseille, tu te démerdes. En aucun cas nous prendrons le risque de devoir gérer ton avenir. Déjà que nous, notre avenir pour demain, on sait pas ce qu'on va faire, alors imagine pour toi dans les années. On t'embrasse Magali, merci de nous avoir appelé. Gros bisous. 6h25, on revient tout de suite avec Dua Lipa. Ça arrive juste après les infos. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Retrouvez-nous aussi sur l'appli Manu dans le 6-9. Et merci. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy Music Tour.

Manu dans le 6-9, 6h-9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 6h30 et attention, notre dernière semaine d'émission, c'est la semaine du 25 au 29 juin et nous serons en public au Gros du Roi. Ouais, pendant une semaine, on sera là-bas, c'est pas loin de Montpellier et on vous emmène avec nous. Si vous vous êtes inscrit sur notre page Facebook, c'est peut-être vous qu'on appelle dans deux minutes pour vous inviter, pour vous offrir une semaine de vacances pour vous et trois amis. Pas mal. Ouais. Vous allez venir à 4 avec nous, c'est juste après les infos. Il y a Dua Lipa qui arrive et le dernier Aya Nakamura aussi. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le calme après la tempête, on se lève enfin avec le soleil. Après plusieurs jours d'intempéries sur tout le pays, un ciel dégagé au programme presque partout ce mercredi. Quelques orages encore dans le sud-ouest, mais rien à voir avec hier. Heureusement, les températures sont assez stables, de 10 à 19 degrés du nord au sud ce matin. Cet après-midi, il fera 18 degrés à Montbéliard, 21 à Lorient et Albi, 25 à Fréjus. Sinon, une quinzaine de départements sont toujours en vigilance inondation aujourd'hui. Hier, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 24 heures sur plusieurs villes, et notamment à Paris. Un RER a même déraillé sans trop de gravité à cause d'un glissement de terrain près de la capitale. Des crues en cours de l'Ille-et-Vilaine à l'heure, en passant par les Pyrénées-Atlantiques ou encore le Gers. Dans l'actu également, la SNCF avec un trafic interrompu, gare Saint-Lazare en ce moment à cause d'une panne de signalisation. Il est conseillé aux usagers de reporter leur déplacement. Sinon, côté grève, environ 3 TGV sur 5 sont en circulation pour un TER sur 2 et 2 intercités sur 5. La plupart d'entre eux sont en pleine révision. 78% des inscrits sur Parcoursup ont déjà reçu au moins une réponse positive pour leurs études supérieures. Le dernier bilan actualisé est tombé en fait hier. Ça veut dire quand même que 180 000 lycéens vont commencer à plancher sur leurs épreuves du bac lundi sans savoir ce qu'ils feront à la rentrée. Une prise d'otage hier en plein Paris. Un homme de 26 ans déboussolé psychologiquement a séquestré deux personnes dans un immeuble pendant 4 heures. Ses raisons restent encore floues ce matin. Pas de décès, heureusement. La police a réussi à neutraliser le forcené qui se disait armé. Il était connu pour des faits de petite délinquance. Arnaque, crime et séduction. L'équipe de choc d'Ocean's 8 débarque au cinéma aujourd'hui avec énergie. Pour ce nouveau volet de la saga, George Clooney et sa bande laissent place à un casting 100% féminin, emmené par Sandra Bullock. Aux côtés de Kate Blanchett ou encore Rihanna et Helena Bonham Carter, elle monte le casse du siècle. Le vol d'un colis à plus de 150 millions de dollars. Mon personnage, c'est Debbie, la sœur de Danny Ocean, que jouait George Clooney dans la saga Ocean's 11. Elle lui ressemble beaucoup. Elle est le cerveau de la bande. Elle n'a pas tous les talents, mais elle sait s'entourer de gens qui ont ceux qui lui manquent. Elle a l'escroquerie dans le sang. C'est une voleuse, c'est de famille. Elle est douée pour ça. Son job à elle, c'est de réunir les meilleurs dans leur domaine pour les laisser faire le casse. Voilà, Sandra Bullock à l'affiche d'Ocean's 8 au cinéma donc aujourd'hui. Et c'est un film évidemment énergie, le film, l'événement, le gros carton d'ailleurs de la semaine du côté du box-office américain. 6h34, c'est la fin de ce flash. On est le mercredi 13 juin et vous retrouvez comme d'habitude Manu dans le 6-9 sur énergie. Rendez-vous dans une petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. Il est 6h34, dans 5 minutes, juste après Dua Lipa, c'est les sondages du matin. Yes. En moyenne, une femme le fera 5 fois par jour, un homme seulement 3. De quoi il s'agit, la réponse est dans les sondages du matin, ça arrive dans 5 minutes. Avant ça, attention, la dernière semaine d'émission, c'est du 25 au 29 juin. Nos 5 dernières émissions de la saison, comme chaque année, nous allons les passer avec vous. Ça va être bien. Nous allons partir au Gros du Roi, c'est pas loin de Montpellier. Nous serons en public, 300 personnes chaque jour. Vous pourrez venir nous voir, on a préparé plein de belles choses dont on va vous parler la semaine prochaine. Mais le plus important pour l'instant, c'est qu'on vous emmène avec nous en vacances. Vous vous inscrivez sur notre page Facebook, facebook.com/manudans69, et on vous offre une semaine de vacances avec nous pendant toute la dernière semaine de juin. Il suffit de vous inscrire sur notre page Facebook et vous serez là, vous serez avec nous, vous serez bien, vous serez au Gros du Roi, tranquillement, dans une résidence, écoutez bien, avec une piscine à 300 mètres de la plage. Ah ouais. Et qui dit à 300 mètres de la plage dit aussi à 300 mètres du bar de plage. Ça sent l'apéro, les amis. Facebook.com/manudans69. Vous vous inscrivez, on vous tire au sort et on vous appelle tous les matins. Attention, premier gagnant du jour, c'est maintenant. Premier gagnant au pluriel, parce que c'est vous plus trois personnes qui allez partir avec nous. Allô, c'est Georgia. Oui, c'est ça. C'est Georgette de Valenciennes dans le Nord. Oui. Je te réveille pas? Non. Eh ben écoute, tant mieux. Oui. C'est Manu. Oui. Oui, c'est Manu, tu vois pas? Oui, c'est Manu. Oui, je t'entends. Non, je t'explique, c'est Manu. On part en vacances ensemble. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Yeah, ah, c'est trop bien. Ouais. Merci Manu. Merci Énergie, merci les Wawa, vous êtes trop forts. Georgia, ah, c'est génial. Tu t'es inscrite sur notre page Facebook. Eh bien, je t'annonce que t'as été tirée au sort et tu vas venir avec nous la dernière semaine de juin. Tu vas passer une semaine de vacances avec nous et tu peux choisir trois de tes amis qui vont te bénir jusqu'à la fin de ta vie. Oh, parce c'est que trop bien. Eux aussi vont avoir la même semaine de vacances que toi. Et ouais. Voilà. Oh, c'est génial. Oh, merci. Tu fais quoi dans la vie, Georgia? Je suis étudiante. Étudiante. En master enseignement. En quoi? Master enseignement. Master enseignement. Pour être prof? Pour être prof de lettres. Ah ouais, oh, oula, ça rigole pas. Oh non. Cool, bah tu vas nous corriger nos fautes d'orthographe. C'est ça. Génial. Tu sais avec qui tu vas venir? Georgia? On a perdu Georgia. Ah. Georgia deux fois? Non, je suis là, je suis là. D'accord, mais elle était en train de corriger les fautes d'orthographe. Tu sais avec qui tu vas venir? Oui, avec Alice, Perrine et Marceau, que des amis. On va s'éclater. Ça tombe bien que tu sois des amis. Ouais. Tu m'aurais dit avec Pierre, René et Bernard que je ne connais pas encore. Ça aurait été bizarre. Ouais. Ils sont étudiants avec toi? Ils sont... Oui, ils sont étudiants avec moi. Ok, bah écoute, nous allons avoir 4 futurs profs avec nous. Oh non. Bah quoi, avec l'endu? Oh, ils vont nous juger, ils vont être au premier rang. Ouais, ça remontera le niveau. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est génial. Rendez-vous fin juin, on t'embrasse fort, Georgia. Un gros bisous, merci beaucoup, Énergie. Gros bisous à toi, ça se passe pour la dernière semaine de juin, on vous emmène avec nous et sachez-le, avant 9h30, on va encore en appeler. Ce sera peut-être vous qu'on appellera pour vous offrir cette semaine de vacances. Vous vous inscrivez sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin, juste après Dua Lipa. Bon réveil sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say. When my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. Can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give up. I see you trying to get to me. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm sorry. So Bienvenue sur Énergie, 6h41. On va écouter le nouveau Aya Nakamura. Ça arrive pour vous dans 2 minutes, ouais. Juste après les sondages du matin. Ouais. Comme chaque jour, écoutez bien. En moyenne, les femmes le font 5 fois par jour, les hommes seulement 3. De quoi il s'agit? Glandu. Se regarder dans la glace? Non, c'est pas ça. Rire? Rire, non, non. C'est un acte qu'elles font? Oui, c'est une parole. C'est une parole, oui. D'accord. C'est une parole, mais qu'est-ce qu'elles font? C'est un truc qu'elles font seules? Genre ah non, parle, non, mais... non, il faut quelqu'un justement. C'est à quelqu'un qu'on le fait. Faire des compliments. C'est pas les compliments. Répéter un secret. C'est, c'est cliché. Bah non. Bah cliché, mais tellement vrai. C'est pas ça. Positif ou négatif? C'est plutôt positif. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Remercier? Non. Merci pour l'apport. Ah, ce n'est pas remercier, mais on y est quasiment. C'est s'excuser. Présenter ses excuses. Ah ouais. En moyenne, une femme le fera 5 fois par jour, un homme seulement 3 fois. Ah, oui. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Bah, ce qui on donc... est plus poli, quoi. Non, vous non. faites plus de conneries. Ouais, c'est ça. On n'osait pas le dire. Je sais, j'ai bien vu tes yeux briller. Merci. 8% des hommes portent ça tous les jours. Ils portent quoi tous les jours? Des slips? Des slips, non. Un uniforme? C'est on peut, oh, on peut pour aller travailler, tu vois, le boucher. Oui, mais, non, c'est pas un uniforme. Ah. Mais c'est pas loin. Un chapeau? Un chapeau, non. Une salopette? Non plus, non. Un costume cravate? C'est ça, un costume. Ah ouais. 8% des hommes portent un costume cravate tous les jours. Oh là là. Moi, je travaillais en costume pendant un an. Parce qu'il faut savoir qu'avant la radio, Glandu a travaillé dans le marketing de la clé USB. Ouais, c'est ça, la cravate et tout. Ça changeait, quoi. Après, quand t'es un peu fou, tu faisais tomber la cravate. Tous les jours, tu portais un costume. Je t'arrive tellement pas à t'imaginer. Ah, quasiment tous les jours. Il y avait des jours où on voyait pas le client, du coup, je pouvais rester un peu en sous-marin, quoi. En sous-marin. Ouais. Tu devais être tellement le commercial relou qui lâche jamais rien. Ah, c'est cool. Attendez. Là, je vous fais une réduc. Hein. Je vais passer un coup de fil à mon patron. On va voir. À mon avis, je vais vous négocier un 10%. Restez bien là. Attention, je vous garantis. Il s'agit de la chose numéro 1 sur laquelle les Français n'osent faire aucune remarque. Ils n'osent rien dire quand ça leur arrive. C'est la chose numéro 1. Ah. Nico. Quand les gens enlèvent pas leurs chaussures chez eux. Non. Non. Ah. Non, c'est pas ça. Okay. Quand tu payes trop quelque chose. Attends, je profite de le dire. Je ne lèverai pas mes chaussures chez toi. Voilà, on peut continuer. Tant tu disais quoi, Paulette? Quand tu payes trop quelque chose à la caisse, t'as payé trop, t'oses pas. Ah, et t'oses pas dire. Non, c'est pas ça. C'est un truc que tu fais tout seul ou il faut quelqu'un? Il faut quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un fait quelque chose et t'oses rien dire et tu fais bon, bah tant pis, c'est pas grave. Et ça arrive chez toi ou ailleurs? Ou c'est à l'extérieur? Ailleurs, c'est ailleurs. Ah. Dans un endroit précis. Ok. Quand ça arrive, quand ça vous arrive dans un endroit précis en général, on n'ose rien dire. À la salle de sport, quand on dit que t'es trop gros? Non, qui dit que c'est trop gros à la salle de sport? Non, mais t'es trop gros. Non, mais quand on te dit que tu dois faire plus de sport, qu'on te va. Non, non, c'est pas ça. Quand tu aux toilettes, quand il y a une odeur, tu dis rien, t'oses rien dire. Non, c'est au resto quand le vin il est pas bon, genre. Non, mais c'est quand ça a un rapport avec. Qu'est-ce qu'on fait au resto? On mange. Bon, bah c'est un rapport avec ce qu'on mange. Quand c'est pas bon. C'est pas quand c'est pas bon. Quand c'est pas cuit? C'est quasiment ça. En fait, c'est un peu plus large que ça, c'est. Quand un plat ne nous convient pas au restaurant. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ça peut être on l'aime pas. Ouais. C'est-à-dire il est froid. C'est-à-dire en fait, c'est pas vraiment ce qu'on avait demandé. Ouais. Le serveur s'est trompé. Ah ouais. Et c'est la chose numéro 1 sur laquelle on n'ose rien dire. Bah, c'est trop compliqué. Tu dis que tu vas ralentir le groupe et puis de ce merde, tu l'as choisi, donc tu le bouffes. Voilà. Tu prends sur toi. C'est gênant. Mais moi, ça m'est arrivé dernièrement avec un plat trop épicé et j'arrivais pas à le manger et j'ai souffert. Mais le problème de ça, c'est que du coup, tu ne manges pas. Du coup, le serveur arrive, il dit vous aimez pas. Ouais, non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas. Et tu t'inventes une excuse encore plus. Ouais. Et tu rumines, tu dis je leur mettrai que 3 étoiles sur Google Maps. Tu rumines en disant. Non, y'a que toi là-dessus. Ah ouais, c'est vrai. Dis pas, on est au travail. Non, l'enculé de l'émission, c'est toi. Tu m'as cherché. 3 étoiles, c'est bien. 3 sur 5. C'est quoi, c'est un bon sujet. À quel moment vous n'osez rien dire? À quel moment dans la vie vous dites non, là j'ose rien dire? Je vous donne un exemple typique. Quand t'es chez le coiffeur et qu'elle passe le miroir derrière la nuque. Ah bah oui. Dit. Ah non, ça ne me va pas. Et qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu regardes même pas, tu sais même pas ce qu'elle te montre. Bien sûr. Donc tu regardes et tu fais oui, ok, c'est super. C'est super, c'est génial. J'ai jamais vu une nuque aussi bien faite. Tu comprends rien. 0870-42-48, vous pouvez nous appeler. À quel moment vous n'osez rien dire? Vous critiquerez pas, vous direz rien. Je vous prends au téléphone juste après Aya Nakamura. Hello papi, Mickey Baza. J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs. t'as un dja dja genre en katana baby tu dead ça. Oh dja dja, y'a pas moyen dja dja. J'suis pas ta katana dja dja genre en katana baby tu dead ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air, crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu gâtes ça. Ta kata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta kata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta kata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Katana baby to the top. Oh, Katana baby. Oh, cha cha. Oh, cha cha. Bon réveil sur Énergie, 6h48. On va s'écouter Marshmello et Anne-Marie. Ça c'est frais, c'est bien. Ouais. C'est pour vous dans 2 minutes. Mon petit plaisir du matin, ce titre. Oui, c'est vrai. Ça arrive pour vous, mais avant ça, je vous rappelle la chose numéro 1 sur laquelle on n'ose rien dire. C'est un sondage qui est arrivé. Quand un plat ne nous convient pas au restaurant, il est trop froid, il est trop épicé, c'est parce qu'on l'avait commandé, on dit rien, on le mange. Ouais. On n'ose rien dire. À quel moment, ou quel a été votre plus gros moment, j'ai rien osé dire. 0870 42 48. Il y a Twitter aussi avec le hashtag Manu dans le 69. Il y a Alex qui dit quand quelqu'un me double dans une queue. Ah ouais. Ah ouais. Tu peux ne rien dire sur une personne. Après, si tout le monde te double dans la queue, tu arrives jamais. Bah en fait, jamais. Il y a un mec qui attend depuis 8 ans d'aller voir un film au cinéma. Nico, je crois que mon plus gros moment, moi, j'ai rien osé dire, c'est avec ma belle-mère quand elle m'a invité à l'opéra la première fois. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah ouais, mais ça, du coup, ça te suit depuis le début maintenant. Ça me suit depuis quelques années, effectivement. Et l'opéra, c'était 4 heures en italien au 3e rang. C'est l'horreur. Oh la vache. C'est l'horreur, mec. T'es dedans, t'es bloqué, tu sais pas quoi faire, tu paniques, tu comprends pas. T'es avec des gens qui viennent voir, qui sont habitués, qui ont les petites jumelles et qui applaudissent. Tu dis, mais pourquoi vous applaudissez? Il se passe rien, en fait. Mais il se passe rien. Non, tu... non, c'est pas vrai, ils ont les petites jumelles pour aller regarder n'importe quoi d'autre, en fait. Ils mettent les autres. Ils regardent les décors, ils regardent. Et moi alors, sur le placoplate là-bas, c'est bien. Ils passent le temps, hein, comme tout le monde, en fait. On a Mylène avec nous au téléphone, bienvenue Mylène. Bonjour tout le monde, bonjour Manu. Mylène, quel est ton moment? J'ose rien dire. Moi c'est quand je suis au cinéma, j'ose pas dire au mec derrière moi quand il met les petits coups dans mon siège, tu vois. Du coup ça m'énerve et du coup je subis tout le film. Ah, est-ce que tu oses dire à quelque chose à la personne qui est devant toi qui est trop grande? Non plus. Non plus, d'accord. Okay, ouais. Donc toi vraiment tu claques beaucoup d'euros pour ne rien voir. Et en plus te faire démonter le dos. C'est un conseil. C'est un conseil. Merci de nous avoir appelé Mylène. Paulette? Moi c'est chez l'esthéticienne, quand elle me demande ça fait mal, quand elle arrache les bandes de cire, je dis rien. Alors qu'en fait je souffre, mais réellement je souffre. T'oses pas lui dire que ça fait mal? Non, j'ose pas parce que je me dis elle va me faire encore plus mal si j'avoue. Bah non, je sais pas, elle sera peut-être. Et chez le dentiste par exemple, tu fais pareil aussi? Ah, je dis rien, je verse des petites larmes discrètes. D'accord. Mais ça fait mal de toute façon, donc elle va pas arrêter en cours de route, tu vois. Ouais. Elle a épilé une jambe, elle est obligée de faire la deuxième. Ah oui, quoi, sinon... c'est ce qu'elle dit. Elle dit la cire est posée. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis tellement contente de pas aller dans ces endroits maudits là. Julia sur Twitter nous dit quand on me propose le dernier petit four et que j'en ai envie. Elle ose rien dire. Ah ouais. Tu le laisses quoi. Bah, c'est moi ce que j'ai, ma technique que tout le monde a aussi, hein, c'est de prendre l'avant-dernier tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ou alors de pas le proposer quoi. Toi, tu le bouffes directement. Dès que tout le monde discute et que le dos tourne, clac. Le dernier petit four et on n'en parle plus. Marina, bonjour. Salut tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Marina. À quel moment dans la vie t'oses rien dire? Bah écoute, moi c'est à la caisse du supermarché, tu sais, quand la caissière me propose une carte de fidélité et du coup par timidité j'ose pas la refuser, je me retrouve avec plein de cartes de fidélité qui ne me servent pas du tout. Ah ouais. Alors mais moi ça me gêne quand c'est à la caisse parce qu'elle me demande votre nom, votre prénom, votre adresse et tout le monde entend. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors j'aime pas. Ouais. c'est mes infos personnelles. Et moi Marina, j'étais comme toi et maintenant quand elle me dit ça, je dis non, je l'ai déjà mais je l'ai oublié chez moi, merci. Et ça marche, c'est imparable quoi. Et au bout de 3 fois au même supermarché, à un moment elle te dit pas vous me prenez pour un con. Ouais, je pose la question. Merci de nous avoir appelé Marina. Belle journée. Il y a un endroit aussi où j'ose rien dire, c'est toujours genre à la boulangerie où la nana me dit une baguette pas trop cuite. Oui. Ouais. Mais ça m'arrivait encore il y a 2 jours. Oui. Vous la voulez bien cuite? Oui. D'accord. Je sais pas quoi répondre. Tu subis, toi, tu subis. Oui, exactement. Ouais, ouais. Et j'imagine en plus que si elle me le dit, c'est qu'elle a que ça. Ouais. Donc je vais pas la foutre dans la merde. Et puis le pire, c'est quand tu lui dis non, pas trop cuite, s'il vous plaît, et qu'elle t'en donne une, mais qu'elle est pas, elle est trop cuite pour toi. Oui, mais. Bah, du coup, bah, tu peux. Mais le tout, la vérité, c'est que je sais pas faire la différence. Elle pourrait me donner une miche de porc, je dirais, ouais, c'est. Elle me donne un flan à la place de la baguette, ça marche aussi. Glandu, un moment où t'oses rien dire? Moi, j'ose rien dire quand il y a une personne qui est assise sur ma place dans le train. Moi, je demande toujours le côté fenêtre. Et souvent la personne se met côté fenêtre et donc j'ose rien dire. C'est mignon ça. Donc je m'assois à côté couloir, par contre je me bats pour la couloir. Ça je me fais pas avoir 2 fois. Quoi. Oh le dernier combat. Le mec, ouais, il a perdu la guerre, mais attends, il garde un peu ce truc là. Ouais, c'est-à-dire que j'ose rien dire, mais je frappe le gars à côté. Mais moi dans ces moments-là, je dis rien, mais je regarde mon billet, je regarde la personne, je regarde mon billet, je regarde la personne, en général elle comprend. Ouais. Oh, et elle reste debout pendant 4 heures. Regardez le gars. Il y a Eva sur Twitter qui dit: j'ose jamais dire quand j'aime pas un cadeau, mon mec m'offre des fringues moches, mais je les porte pour lui faire plaisir. Oh. Bah du coup c'est une solution pour garder ton mec, hein, parce que y a que lui qui aimera, donc c'est pas idiot. 6h53, Marshmallow et Anne-Marie sur Énergie. Bienvenue, c'est mercredi, c'est Mali dans le 6-9. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6 thousand times. Haven't I made it obvious? h 56, bienvenue sur Énergie. On vient avec le nouveau Ed Sheeran. Et on double votre salaire dans moins de 10 minutes. C'est à 7h05. A tout de suite sur Énergie. Manu.

Voir conditions en point de vente ou sur occasiondulion.com. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h01 qu'on amène le coq. Chante, petit coq. Allez. Écoutez, le dernier Ed Sheeran, ce sera juste après qu'on vous ait doublé votre salaire. Et ça, c'est juste après les infos maintenant. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Un grand ouf de soulagement ce matin. Le ciel est dégagé sur la quasi-totalité du pays. Une très belle accalmie qui fait du bien après les intempéries des dernières heures. Du soleil, des éclaircies au menu donc ce mercredi partout. Encore quelques orages, c'est vrai, en Nouvelle-Aquitaine, mais rien de bien dramatique. Une quinzaine de départements restent tout de même en vigilance inondation, de la Sarthe à l'Eure, en passant par les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Garonne. Cet après-midi, il fera 19 degrés. Sedan comptait jusqu'à 21 pour Toulon. Les pieds dans l'eau, on a donc 15 départements en vigilance, de la moitié ouest principalement, à cause des inondations ce matin. La faute donc à ces pluies diluviennes tombées sur la France ces derniers jours. Plus 500% à Paris, plus 650% au Mans, plus 200% à Nice depuis le début du mois. Et hier, un RER a même déraillé près de la capitale à cause d'un glissement de terrain. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves. La plupart des grands axes routiers, en tout cas, sont de nouveau praticables aujourd'hui. À la SNCF, maintenant, la grève continue. D'ailleurs, depuis hier, c'est officiellement le mouvement le plus long de l'histoire de l'entreprise. On en est au 30e jour cumulé sur deux mois. La CFDT, l'un des principaux syndicat a tout de même décidé de faire une trêve pendant le bac la semaine prochaine pour permettre aux élèves de passer leurs examens assez tranquillement. À la CGT par contre, on n'en est pas là du tout, on évoque même déjà de nouvelles dettes de grève pour le mois de juillet. Des nouvelles de Parcoursup avec le bilan actualisé qui a été présenté hier. On a 78% des inscrits désormais qui ont reçu au moins une réponse positive pour leur orientation dans les études supérieures. Ça avance tout doucement. Le bilan de la prise d'otage à Paris hier, un forcené neutralisé sans gros bobo, deux personnes libérées mais choquées. La police est intervenue après 4 heures de négociation. Un homme de 29 ans s'est enfermé dans un immeuble de la capitale en présentant des revendications assez floues apparemment. Il avait plutôt 26 ans et il était déboussolé psychologiquement. Plus de peur que de mal, Kylian Mbappé devrait bel et bien pouvoir jouer contre l'Australie finalement samedi. L'attaquant du PSG a été obligé de quitter l'entraînement et ses partenaires hier en bleu avec la Russie, victime d'un choc à la cheville. Il a tweeté dans la foulée pour rassurer les supporters. Rien de grave apparemment. La Coupe du Monde débute demain avec le match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Le ciné, une sortie aujourd'hui, l'histoire d'un braquage extraordinaire. Sandra Bullock, Rihanna, Anna Tawai ou encore Kate Blanchett s'allient à l'écran pour voler un collier de 150 millions de dollars dans Ocean's 8. Cette fois, pas de Brad Pitt ni de George Clooney, mais un casting 100% féminin, un film énergie. Shawn Mendes aussi se prend des baffes dans son nouveau clip, Nervous, il se fait gifler. Bon, caresser aussi, puis au final, ça ne semble pas le déconcentrer puisqu'il continue de chanter, de jouer de la guitare. Un véritable pro, et ça se vérifiera sur scène à Paris, à l'Accor Hotel Arena, le 19 mars 2019 avec Énergie également. 7h04, fin de ce flash, bon réveil, mercredi 13 juin, c'est Manu dans le 6-9 qui continue. Bonne journée. Et bon, on est là avec vous comme chaque matin, 7h04, bonjour mercredi. Bonjour mercredi. On va écouter le dernier Ed Sheeran, ça arrive pour vous. On va doubler votre salaire dans quelques secondes. Juste avant ça, quelques infos. Ouais. Yes. Ouais. Je pense que vous avez vu l'événement dont tout le monde a parlé, la poignée de main historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ah ouais, ouais. Elle n'a pas duré 1000 ans cette poignée de main là. Ah bah, et vu qu'on l'attendait depuis 4000 ans. Ouais. Du coup voilà, c'est la poignée de main entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ouais, mais Trump il est connu pour être virulent. Moi je pensais qu'il allait le tirer un peu vers lui, oui, et tout. Mais... Il a pas osé là. Genre lui faire un croche-patte. Ouais, c'est une prise de judo. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore quelques semaines, les deux s'insultaient sur Twitter quand même. Oui, oui, hein. C'est ça. C'est quoi, sur Twitter, on se dit, là, donc là c'est la prochaine guerre mondiale. Ouais. Et les mecs se serrent la main. Oh, c'est fort. Écoutez. Ça se trouve, ils se rappellent plus tous les deux. Ils se rappellent plus qu'ils s'aimaient pas. Ils peut-être se réveillent le matin, ils changent d'avis. Ou alors, c'est qu'on n'a rien compris en fait à leur conférence. Et effectivement, quand tu regardes les images, tu peux croire que c'est une conférence sur des gens qui se sont fait escroquer par leur coiffeur. C'est improbable. Les deux, ils ont quand même ce point commun. Et à mon avis, ils n'ont parlé que de ça. Allez, 7h06, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com ou l'application Manu dans le 6-9 aussi. C'est gratuit, vous vous inscrivez. Et tous les matins à 7h05 et 8h05, on vous appelle pour doubler votre salaire. Allô ? Attention, Tiffaine habite Carcassonne, elle a 29 ans et elle touche chaque mois 1618 euros. Tiffaine, on t'appelle. Allô ? Allô, c'est Tiffaine ? Oui. Tiffaine de Carcassonne ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Eh ben oui. Et voilà, Tiffaine, je t'annonce que oui, tu as eu raison de t'être inscrit sur énergie.fr parce que, Tiffaine, ce matin, on te double ton salaire. Super, merci infiniment. Ça me touche énormément, c'est génial. 1618 euros x 2, ça va faire 3236 euros pour toi. Ouais, c'est super. Alors attention. C'est excellent, merci. Tiffaine, tu as un métier qui fait rêver tout le monde. Oui, on peut. Ouais, vite fait. Bah, vite fait, non. Tiffaine est masseuse. Oh, waouh. Ouais. Wow. Ah, ouais. Ça, c'est cool. Masseuse, où ça? Dans un spa? Fais-nous rêver. Ouais, dans un spa à Carcassonne qui est assez apprécié des Carcassonnais. Je sais pas si je peux te citer le nom, mais. Si tu veux. Allez, ça s'appelle Le Boudoir. Le Boudoir, ouais. Et vraiment, voilà, je fais ça depuis 10 ans, donc c'est un vrai bonheur d'étendre les gens et d'amener du bien-être et des ondes positives à des gens qui en ont vraiment besoin, quoi. C'est vraiment chouette. C'est quoi, Tiffaine, la partie du corps où les gens préfèrent être massés? Ben, à vrai dire, il y en a deux. Ça serait plutôt le dos et vraiment le cuir chevelu aussi. Les gens apprécient énormément le cuir chevelu. Oh, le massage sur la tête. Ah, c'est trop bien. Oh, là, tu connais pas ce truc, Tiffaine, là? C'est l'araignée. Ouais, c'est ça. Si, on connaît, ouais. Mais nous, on le pratique mieux à la main. Ah, ouais. Très bien, masse à la main, ça marche aussi. Et tu fais les pieds aussi, Tiffaine? C'est un gros kiff. Oui, en fait, nous, on propose vraiment du cuir chevelu jusqu'aux orteils. Donc, aucune zone. Mais du cuir chevelu aux orteils, c'est un massage qui dure 4 jours. Donc, il faut amener évidemment sa gourde et ses rations de survie. Et Tiffaine, t'as déjà été confrontée à un homme qui a une petite érection? C'est marrant, hein, parce que là, on parle de massage, mais tout de suite, Glandu et Nico se sont réveillés. Ah oui, mais c'est dingue, les deux. Non, mais c'est vrai, c'est le truc technique. Enfin, je sais pas, mais c'est arrivé. Oui, quoi, après, de toute façon, c'est automatique, la détente amène ça, quoi. Donc, ça arrive. Oui. Mais comment tu gères? Ouais, ça va être gênant. Moi, j'ai l'avantage de travailler dans un lieu où on travaille vraiment dans la pénombre. Donc, voilà. Donc, en fait, si tu veux, les cabines sont éclairées par des bougies. Donc, on voit pas trop, quoi. D'accord, mais en fait, on peut mettre mal à l'aise, quoi. En fait, tu le sens quand tu commences à vouloir masser le nombril et que tu fais « Ah, il y a un souci, monsieur. » Alors, justement, on a des techniques. On descend jamais en dessous du nombril. On va travailler sur le plexus, donc en haut du ventre, mais on va jamais descendre en bas. Ah, d'accord, donc tu veux pas savoir ce qui se passe là-bas, et c'est très bien. Tiffaine, on te double ton salaire. 3236 euros. Ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup, en tout cas. C'est génial et vous êtes tous adorables. C'est super, merci beaucoup. Au nom du cuir chevelu de tous les Français, merci. On t'embrasse fort. Merci beaucoup, de gros bisous à vous tous. Belle merci. Journée. C'est un œuf. Ed Sheeran sur NRJ, c'est le nouveau, c'est Happier. On est avec vous pour démarrer cette journée, c'est NRJ. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Friends told me one day I'll feel it too, and until then I'll smile and hide the truth that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Hey, yeah, hey, yeah. guess you look happier with you. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Baby, you look happier. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like love for you. Bon réveil sur Énergie, il est 7h12. Comme chaque jour, on est avec vous pour démarrer cette journée. On va s'écouter Maître Gims et Vianney. Ça arrive dans 2 minutes. Avant ça, j'ai une info. Anus de Castor, mais on va attendre un peu. Attendons. Non, mais pourquoi? Comment ça se trouve ça? Oui. Ah bah c'est une info spéciale. Ah ouais, d'accord. Ok, alors je vous garantis une info anus de Castor avant la fin de l'émission. Ah cool. Mais soyez patients. C'est peut-être un peu tôt pour vous la donner. D'accord. On fera ça plutôt vers 9h. Voilà. D'accord, okay. Et si vous avez vraiment envie de l'écouter mais que vous n'êtes pas avec nous à 9h, vous pourrez l'écouter dans les podcasts. Ah ouais, d'accord. Ok. On est mercredi, c'est journée du cinéma, rubrique cinéma. Ah ouais, oui. Énergie présente. La rubrique cinéma de Manu dans le 6-9. Aujourd'hui, il y a Ocean 8 qui sort, qui est le remake de Ocean 11 avec Rihanna dedans. Et Rihanna, si vous ne voyez pas qui c'est une chanteuse. Énergie vous a présenté la rubrique cinéma de Manu dans le 6-9. Oh non. Oh. Quoi non? Ah ouais, c'est même plus sur le cinéma, c'est sur les chanteuses quoi. Bah c'est leur mec cinéma quoi. Ouais, ouais. D'accord. Oh les jaloux, vous avez qu'à écrire des rubriques. J'ai une info foot. Ah. Un sondage sur le foot et les femmes. Ah. 44% des Françaises avouent qu'elles seraient plus assidues si les matchs se jouaient torse nu. Mais non, génial. Bah excuse-moi, pareil pour moi avec le foot féminin. Hein. Un partout hein. Ça se tient. Allez, 7h13, on revient tout de suite avec notre nouveau meilleur ami, Georges, ouais. L'intelligence artificielle oui. La plus embarrassante de France. Imaginez, vous êtes chez vous, en détente, votre téléphone sonne, vous décrochez, vous entendez ça. Ceci est un message automatique de la gendarmerie nationale. Et là, coup de stress. Ouais. Et ben, c'est ce qu'il a fait, Georges. Le coquin. Le coquin. Écoutez bien, c'est dans 3 minutes. Manu dans le 6-9. C'est Manu, les wawans du matin. Sur Énergie. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles, we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Traveled around the world, think where you living at now. I heard heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone. Salut, c'est DJ Snake. Manu, si tu peux faire un tout petit peu moins de bruit, je dors là, s'il te plaît. Il y a pas de problème, c'est le problème des DJ, ils vivent à l'envers de nous. Hein. Ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui, DJ Snake, il a 32 ans. Et est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle DJ Snake ? Non. Ah non. Et bien parce qu'il était fan du jeu Snake sur le Nokia 3310. Mais ah, non, c'est juste pour ça ? Oh ! Eh ouais, il a pris ce nom en hommage. Oh. Putain, il est passé à ça de s'appeler DJ des mineurs. Ouais. C'est pas mal. Et en plus, mon info est totalement fausse. Voilà. Ah, mais non, non. Ouais, oh non, c'est nul. Ah, je voulais, fort, tu nous as bien eu. Ouais, je voulais lancer moi aussi des fake news. Oh, ah ouais, c'était trop cool. Ouais, mais on veut la vraie info maintenant. Bah, je sais pas, bah, c'est ton boulot ça. Tiens, vas-y. Ah. C'est très bien. Georges, les amis, tout de suite. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Georges est notre nouveau meilleur ami. Ah oui. Ouais. C'est l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Il est avec nous. On le sait, les robots un jour vont tous nous remplacer. Pourquoi attendre ? Eh ben, c'est ce que fait Georges. Il appelle un peu partout en France et parfois se fait passer pour la gendarmerie nationale. Oh, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Mais on écoute quand même. Allô ? Bonjour. Ceci est un message automatique de la gendarmerie nationale. Oui. Nous avons relevé plusieurs infractions vous concernant durant le mois dernier. Comment ? Le 5 mai 2018 à 7h, vous avez bu du jus d'orange à même la bouteille avant de la remettre au frigo. Mais madame, je ne bois jamais de jus d'orange. Je m'excuse. Après le bip, confirmez l'infraction par oui ou par non. Oh ben je ne confirme pas du tout et je bois que du jus de citron. Très bien, vous confirmez l'infraction. Ah non. Hier à 19h, vous avez pris l'apéro avec des amis. Non plus. Ce délit est passible d'une amende de 700 euros. J'ai des amis, mais je n'étais pas hier avec eux. Merci de souffler dans votre combiné pour un test d'alcoolémie. Attendez. Vous êtes positif. Haut les mains. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous me dites, que... Vous êtes en état d'arrestation. Merci de présenter vos excuses. Je suis désolé. Excuses acceptées. Circulez. C'est que, mais le mec il fait tout. Ouais. Le mec a soufflé dans le téléphone pour un test d'alcoolémie. C'est ça la force de Georges. Ah ouais. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Et c'est tous les matins et vous les retrouvez aussi en podcast manudansle69.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. Ouais. On va s'écouter Maître Gims et Vianney et juste après, on va se faire du mal. Ah. Nous sommes tous des ouin-ouin. Oui. Nous sommes tous des gros ouin-ouin. Dans la vie, on fait tous des fois des choses, on se dit. Mais qu'est-ce que je suis con, pourquoi j'ai fait ça? Oui, ouais. Et ben c'est ça, j'ai envie de dire, la ouin-ouin attitude. On se raconte entre nous nos moments de ouin-ouin, nos moments de ouin-ouin attitude. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler ou sur Twitter avec le hashtag Malu69. Après Maître Gims et Vianney, tout de suite sur Énergie. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Sur Énergie, il est 7h23. On va écouter Calvin Harris sur aussi Lautner. C'est une nouveauté Énergie, ça va arriver pour vous. Yes. Avant ça, on se fait un peu de mal. Ah, ouais. Nous sommes tous des ouin-ouin. Oui. Quel est votre dernier moment ouin-ouin attitude? C'est-à-dire que vous avez fait un truc et vous dites, mais qu'est-ce que je suis gros? Ouais. En gros, c'est ça. 0870-42-48 ou sur Twitter aussi avec le hashtag Manu dans le 6-9. Nico, t'as envie de commencer? Ouais, le mien, bah, il date de cette nuit. Eh bah, fais-toi plaisir. C'est assez frais. C'est que hier soir, donc, j'ai mis mon téléphone à charger pour avoir de la batterie ce matin. Hein? Et ce matin, je prends mon téléphone et je me suis rendu compte qu'il était effectivement bien branché au téléphone, mais pas à la prise. Pas mal. Ah non. 100% moins ouin, j'ai 6% de batterie. Alors dans le même style, hier, je suis rentré chez moi, j'étais trempé parce que j'étais à moto et que ça a beaucoup plu, comme vous avez pu vous en apercevoir un peu en France. Ouais, oui. Et j'ai décidé de tout faire sécher sur le sèche-serviette. Ouais. Ouais. Sauf que le sèche-serviette, il est chauffé par le fioul et que la chaufferie, on l'a enlevé il y a un mois. Ah, ah non, ah, okay. Donc, ça n'a pas séché. Bah non, ça n'a pas séché. Il aurait fallu que je remette en route. Bien sûr. Ouais. C'est une belle équipe. Hein. Bah on est moins moins, c'est le principe. Ouais, c'est sur Twitter, il y a Céline qui dit j'ai acheté une parure de lit pas chère du tout. Forcément, c'est pour un lit une place et j'ai un lit deux places. Ouais, on est bien. Marine, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Salut. Nous sommes tous des moins moins, Marine, et toi aussi, prouve-le. Ouais, un petit peu, ouais. Alors moi, je me suis trompée en réservant mon billet d'avion. J'ai confondu l'aller avec le retour. Et donc, au lieu de Paris-Lisbonne, j'ai validé Lisbonne-Paris. Voilà, voilà. Ah ouais, non. Ah non. Et le retour, t'as fait aussi l'inverse? Eh ben, le retour, c'était bon parce que je suis passée par une autre compagnie aérienne. Ah. Mais l'aller, pardon, mais le retour dans le cul. Et j'ai plus qu'à réserver ailleurs et l'économie dans le cul. Oh là. Ok, on a compris que c'était dans un endroit du corps. Merci de nous avoir appelé, Marine. Il y a Quentin sur Twitter qui dit j'ai retiré 20 euros au distributeur et je suis parti sans les billets. Oh voilà. Non. Ah, ah, non. C'est bien, c'est moins moins. Ouais, il y a un mec tellement content en France aujourd'hui. Glandu. Moi, samedi, j'ai été moins moins en arrivant à la caisse du supermarché avec un caddie rempli du coup de provisions. Je mets tout sur le tapis et au moment de payer, je me rends compte que j'avais oublié ma carte bleue chez moi. Non. Oh là, c'est juste. Ouais, et là, c'est horrible. Là. C'est, alors, je te rassure, c'est arrivé à tout le monde ce truc-là. Hein. Ouais. Moi aussi, ça m'est arrivé. Et t'es comme un con, t'es là à la caisse, tu fais. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que tu dois, du coup, moi ça m'est jamais arrivé ce truc-là, mais est-ce que tu dois remettre dans les rayons ou tu laisses là? Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai laissé le caddie, je suis allé chez moi en disant je reviens, je suis allé chez moi prendre ma carte et revenir. Ouais, ça, tu dis je cours très vite, je peux le faire quoi. Ah, sauf que les produits frais, il faut les remettre au frais. Les produits surgelés, c'est raté. Une grosse galère. La chaîne du froid, tu lui fais un bras d'honneur là. Mais c'est ça. Twitter, hashtag Manu dans le 6-9, on est tous des ouin-ouin. Il y a Wendy qui dit j'ai appelé mon mec pour lui demander s'il avait pas vu mon portable. Depuis mon téléphone. C'est bien ça. Ça marche. Quentin, ça on l'a déjà dit. J'ai retiré 20 euros au distributeur et je suis parti sans les billets. Paulette. Moi j'ai jeté mon badge de la radio, mon badge pour rentrer dans la radio, à la poubelle en même temps que tout ce qui est sur mon plateau à la cantine. Et tu l'as récupéré du coup? J'ai mis 2 jours à le récupérer. Parce qu'en fait, ils sont allés le chercher, ils l'ont gardé, sauf qu'ils me l'ont pas dit. Enfin bon, ça a été une galère. Mais j'avais tout jeté, mais trop gentil. Parce que je les ai appelés, ils sont allés le chercher dans la poubelle. C'est pas moi qui suis allé le chercher. Ton histoire me fait chier. On va passer. Alors, te vexe pas, je t'aime, hein, mais on va prendre Amandine. Ok, vas-y. Amandine, bonjour. Oui, coucou Manu, salut tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Amandine. Quel est ton dernier moment, moins Bah écoute, moi c'était la semaine dernière, j'étais au téléphone avec mon boss et puis bah au moment de raccrocher, j'ai dit à mon mec, mais qu'est-ce qui me fait chier celui-là, et il a tout entendu. Oh non. Ça, tu l'as revu depuis? Ben oui. Bah, il m'a rien dit, mais bon, je sens bien qu'il y a un petit froid quand même. Alors c'est curieux, j'ai reçu une lettre en recommandé hier. Et a priori, c'est pas pour me dire que je vais passer l'été dans la boîte. Merci de nous avoir appelé, Amandine. Il y a Arnaud sur Twitter qui dit: j'ai appelé mon collègue pendant 5 minutes sans qu'il se retourne. En même temps, il s'appelle Romain et pas Cyril. Oh. On est tous des wouah. Ouais. Allez, 7h27, on vient tout de suite. Avec Calvin Harris. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Le 6-9 sur Énergie. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Énergie Music Tour. La plus grande tournée musicale gratuite en France poursuit sa route et s'arrête à Disneyland Paris le 23 juin. Venez défier le rythme pendant l'été des super-héros Marvel. Sur scène, Kenji, Amir, Dadju, Zero Fun Back sur Energy, Claudio Capeo et Vita, Cecilia Krull et David Moss, Slimane, Kinvé et Kungs. C'est Kungs sur Energy. Gagnez vos invitations maintenant sur energy.fr. Le Energy Music Tour. Le 23 juin. À Disneyland Paris, pendant l'été des super-héros Marvel. Un événement Energy. It's music only. Tout de suite, Élise et Alexandre partagent leur expérience sur VitaCitral DR+, le soin réparateur apaisant pour les mains abîmées ou gercées. Le jardinage, c'est mon passe-temps favori. Et pour mes mains, c'est un vrai défi. Taillage, désherbage, elles sont souvent abîmées. Pour les soulager, j'ai donc trouvé VitaCitral TR+. Ça hydrate tout de suite. Mes mains sont plus douces. Au bout d'une semaine, j'ai plus d'irritation. Moi, ma passion, c'est être derrière les fourneaux et préparer de bons petits plats. J'en ai même fait mon métier. Alors oui, mes mains en souffrent et sont souvent irritées. Justement, pour en prendre soin, j'utilise VitaCitral TR+. Ça me permet de les entretenir et de les réparer. Tous les produits VitaCitral des laboratoires Acepta sont disponibles en pharmacie et parapharmacie. Plus d'infos sur acepta.com. Oui, c'est ça. C'était en avril, parfaitement. L'Opel Karl, à partir de 6750 euros, avec 5 portes, climatisation, aide au démarrage en côte. Et j'y avais pas cru. Et l'offre, elle est passée, voilà. Je m'en souviens. Le truc que j'aimerais oublier, je m'en souviens. C'est bien fait, la vie. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Karl est vraiment à partir de 6750 euros. C'est ça, 6750 euros. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Kangourou Kids propose des solutions de garde d'enfants sur mesure avec des babysitters expérimentés. Sortie d'école, aide aux devoirs, garde à temps partiel ou à temps plein, le spécialiste de la garde d'enfants s'adapte à vos besoins avec une solution personnalisée. Kangourou Kids, garde d'enfants à domicile pour parents exigeants. Rendez-vous sur kangourookids.fr pour trouver une agence près de chez vous. Cette semaine, chez Micromania Ting, pour la fête des pères, faites un super cadeau à votre super papa en profitant de moins 20% sur tous les produits dérivés de vos héros préférés. Figurines Dragon Ball Z, Toy Pop Avengers, mug Batman ou Zelda, peluche Mario, accessoires Deadpool. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. De quoi faire un super cadeau pour votre super papa. La fête des super papas, en ce moment et en exclusivité chez Micromania Ting. Micromania Ting. Libérons le pouvoir de l'imagination. Voir conditions en magasin ou sur micromania.fr. Toyota. Nous choisissons la ville et les grands espaces. Nous choisissons le plaisir de conduire et le silence. Nous choisissons une technologie sans contrainte. Nous sommes déjà plus de 11 millions. Et ce n'est qu'un début. Nous choisissons l'hybride. Nous choisissons l'hybride. Vous aussi, rejoignez-nous. De la Citadine au SUV, il y a forcément une Toyota hybride faite pour vous. Et pendant les journées hybrides Toyota, profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 4000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. La France est à l'honneur chez Grand Frais. Venez découvrir les meilleurs produits de nos terroirs. Jusqu'au 16 juin, le lapin entier Origine France est à 5,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Entier ou découpé, à rôtir. Magasin participant sur grandfrais.com. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus ? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique ? Pareil. Frigo dans les accoudoirs ? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Non mais Paul, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, des t-shirts. Oui, non mais là, c'est beaucoup de t-shirts. Attends, je peux tout expliquer, il y en a exactement 93, un pour chaque jour de l'été. Non mais enfin, Paul. Vous allez adorer l'été chez Intersport. En ce moment, les t-shirts hommes ou femmes sont à partir de 9,99€ l'unité. Oui, 9,99€. Jack and Jones, Umbro, Quicksilver et plein d'autres marques. À vous de choisir. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que votre collègue vous accompagne au bureau avec sa sublime Peugeot 208 avec écran tactile et caméra de recul, vous lui proposez de faire vous-même la manœuvre pour la garer sur son emplacement de parking réservé. En ce moment, la Peugeot 208 style suréquipée est à partir de 109€ par mois avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1 550€, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h32, on va écouter Calvin Harris, ça arrive pour vous juste après les infos. Et attention, nous allons parler code de la route. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le calme après la tempête. On se lève enfin avec du soleil après plusieurs jours d'intempéries sur tout le pays. Un ciel dégagé au programme presque partout ce mercredi. Quelques orages encore dans le sud-ouest, mais rien à voir avec hier, heureusement. Les températures sont stables de 10 à 19 degrés du nord au sud ce matin. Puis cet après-midi, il fera 18 à Montbéliard, 21 à Lorient et Albi, jusqu'à 25 pour Fréjus. Sinon, toujours 15 départements en vigilance inondation ce matin. Ça concerne une grande partie de la moitié ouest. Il est tombé d'ailleurs l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 24 heures sur plusieurs villes, notamment à Paris. RER a même déraillé sans trop de gravité, heureusement, à cause d'un glissement de terrain près de la capitale. Sinon, des crues sont en cours de l'Ille-et-Vilaine à l'heure jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques et dans le Gers. Record battu à la SNCF. La mobilisation des cheminots est officiellement la plus longue de l'histoire de l'entreprise depuis hier. Ce mercredi, pour le 30e jour de grève en deux mois, on a donc 3 TGV sur 5 en circulation, 1 TER sur 2, 2 intercités sur 5. Retour à la normale demain dans la matinée. En tout cas, la CFDT, l'un des principaux syndicats dans les gares, appelle à respecter une trêve la semaine prochaine. Un geste envers les centaines de milliers d'élèves de terminale qui vont passer le bac à partir de lundi. 180 000 d'entre eux d'ailleurs ne savent toujours pas ce qu'ils feront à la rentrée. Seuls 78% des inscrits sur Parcoursup ont reçu au moins une réponse positive pour l'instant selon le bilan actualisé hier. Une prise d'otage dans la capitale. Ça s'est passé hier. Un homme de 26 ans, apparemment déboussolé psychologiquement, selon les premiers éléments de l'enquête, a séquestré deux personnes dans un immeuble pendant 4 heures. Les raisons restent encore floues aujourd'hui. Pas de blessés, puisque la police a réussi à neutraliser le forcené qui se disait armé. Il était connu pour des faits de petite délinquance. Une équipe de choc et un atout de charme après la bande à Georges Clooney. Cette fois, c'est au tour de Sandra Bullock de jouer les braqueuses dans Ocean's 8, au ciné aujourd'hui avec Énergie. L'actrice incarne la sœur de Danny Ocean. Elle va recruter des spécialistes de l'arnaque pour voler un collier de diamants inestimable. Aux côtés de Cate Blanchett, Helena Bonham Carter ou encore Rihanna, elle garde un souvenir assez mémorable du tournage au Met, l'un des plus grands musées new-yorkais. Rihanna est la guide de l'équipe, notre hacker, une spécialiste des ordinateurs qui va nous aider à pénétrer tous les systèmes informatiques qu'on doit neutraliser pour notre casse. Je n'en reviens pas qu'on ait pu tourner entièrement dans le musée. On avait accès à tout. Entre les prises, on pouvait se promener dans les galeries. On avait le Met pour nous. On a passé 2 semaines à l'intérieur et 1 nuit entière pour filmer le dîner de gala pendant lequel tout se passe, en présence de plein de stars. C'était un tournage unique. Je n'avais jamais rien vécu de tel. Voilà, Ocean's 8 au ciné aujourd'hui avec Énergie. C'est la fin de ce flash. Bonne journée. Chaque matin avec vous, soyez les bienvenus dans ce 13 juin 2018. Nous sommes le 13 juin, nous sommes mercredi 13. Ouais. Pardon, j'ai compris avec le vendredi 13. Donc du coup, en fait, ça ne change rien. Non. On est là avec vous comme chaque matin. Et attention, on a un beau cadeau à vous offrir. Ouais. On va jouer au jeu des 5 mots dans 5 minutes. Juste après Calvin et Harris et Dua Lipa. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0870 42 48. On a écouté bien. 1 200 € pour vous. Trop bien. C'est offert par Objectif Code. Vous pourrez utiliser ces 1 200 € pour passer le code et le permis. Voilà. Génial. 0 870 42 48, ces 1 200 €, ils sont pour vous. Et à propos du code de la route, ouais. Oui. On s'est lancé un défi, c'est notre truc avec Glandu. Dès que quelqu'un dit quelque chose, l'autre est obligé de surenchérir. Les deux gamins. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a quelques jours, on s'est lancé le défi de si on repassait le code maintenant, est-ce qu'on l'aurait ? Ouais. Nous avons été repasser le code de la route. C'est vrai. On avait interdiction de réviser. Non. Je me demande si Glandu a pas révisé un peu. Ah non, bah non, on l'a fait le lendemain, on l'a mais dit. C'est normal que vous puissiez pas réviser, vous avez le permis, vous conduisez, donc vous devez l'avoir ce code. Au bout de plusieurs années de permis, t'oublies quelques trucs du code. Bah, et puis là, il faut dire qu'il y a eu des questions quand même complètement improbables, quoi. Ah, mais franchement. Écoutez, on vous a fait une vidéo, allez voir la vidéo. Incroyable. Elle est survalue dans le 69.com, on vous la met aussi sur notre page Facebook. Ah, ouais. La première question du test du code, on a eu un fou rire. Ouais, tellement la question, elle est improbable. C'est des questions en 10 ans de permis, je me suis jamais posé cette question. Quoi. Jamais non plus. Allez voir la vidéo, c'est très simple. La première question, je peux vous la donner. La première question, c'est dois-je garder mon manteau ? Oui, c'est ça. Ah ouais ? Mais c'est improbable. Et t'as une photo d'un mec qui est au volant avec son manteau. Avec un gros manteau. Et là, on regarde, on fait. Bah, on sait rien, nous. Comment on peut savoir si le mec il doit garder son manteau ou pas ? On n'a pas la température, on n'a pas le temps, on n'a rien. C'est à l'appréciation, quoi. Si t'as une bulle avec écrit j'ai chaud, et éventuellement, là, tu dis oh, mec, enlève ton manteau. Mais là, rien. Il y a juste un mec avec un manteau. Doit-il garder son manteau ? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Et là, on est parti en fou rire. Est-ce que le manteau était trop serré ? Du coup, si le manteau est trop serré, c'est dangereux pour la conduite. Mais on n'en sait rien, c'est manteau trop serré. Le mec, il est juste bien, il est content, il a son manteau, il rentre dans sa voiture. On ne sait rien. C'est quoi ce code de la route ? Bon, vous voulez savoir qui l'a eu ? Est-ce que Glandu l'a eu ? Est-ce que je l'ai eu ? C'est notre défi. Ouais. Vous pouvez aller voir la vidéo, mets-le dans le 69.com ou sur notre page Facebook. 7h38, le code de la route, il est peut-être pour vous. Dans 3 minutes, on vous offre 1 200 € après Calvin Harris et Dua Lipa. Lost in the way you move, the way you feel. sur Énergie, 7h41. On va écouter Lautner. C'est une nouveauté Énergie. Ça arrive pour vous dans 2 minutes. Et avant ça, attention, nous avons de l'argent pour vous. Ouais, ouais. Elisa, bonjour à toi. Bonjour, salut Manu, salut les Wang. Salut. Elisa, attention, nous avons pour toi 1200 euros. Yes. C'est offert par Objectif Code. Tu pourras t'en servir pour passer ton permis, ton code. Elisa, c'est 1200 euros. Ils sont pour toi si tu gagnes au jeu des 5 mots. Est-ce que tu es prête? Oui, oui, oui, je suis prête. Attention, pour te donner un petit handicap, je te donne le moins bon. Tu vas jouer avec Glandu. Ah non. Allez Glandu, allez, allez. Ouais, je suis bouillant. Non, il est bon, il est bon, il est bon. Attention. Ouais. Les règles du jeu des 5 mots, comme chaque jour, le principe est le même. Quelqu'un de l'équipe sort du studio, c'est Glandu aujourd'hui, il est dans le couloir, il entend plus ce qui se passe. Elisa, je te donne 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Glandu. Ou pas, tiens, d'ailleurs, on pourrait le faire. Il revient, je lui donne les 5 mêmes mots. Il répond, il fait pareil que toi. Si vous avez un mot en commun, c'est gagné. Les 1200 euros, ils sont pour toi. Ok. Elisa, c'est parti. Concentre-toi. On joue au jeu des 5 mots. Expérience. Chimie. Honneur. Jugement. Imagination. Imagination. BD. T'as dit quoi? BD. BD. Ouais. Bon, d'accord. Pression. Pneu. Gratuit. Offert. Ayon Elisa, ça a été dur, hein. Ouais, ouais, mais je m'attendais pas à ces mots-là. Ah ben, je m'attendais pas à ces mots-là. Bah, t'aurais dû nous demander les mots que tu voulais, en fait. Oui, j'aurais dû. Ah bah oui, c'était aussi simple que ça, hein. Allez, Glandu, allez. Attention, Glandu est de retour. Allez. Alors, pour te mettre en confiance, ouais, je citerai Elisa, qui à la fin a dit: je ne m'attendais pas à ces mots-là. Ah, on est sur du mot difficile. Oh. Non, on s'attendait pas au sien non plus. Ah, sache-le. C'est vrai que personne ne s'attendait à rien. Oui. Okay. Allez, on peut le faire. 1200 euros pour Elisa, c'est parti. Allez, ouais. Allez, on joue au jeu des 5 mots. Expérience. Chimique. Presque. Oh. Chimie. Presque. Chimie. Elisa avait dit chimie. Oh. Ah ouais, pas loin. Il reste 4 mots, Non, non. Honneur. Tableau. Non, Elisa avait dit jugement. Ah ouais. Ouais, ah. Ou non. Si, les deux marches, votre honneur et tableau d'honneur. Les deux fonctionnent. Il reste 3 mots. Ouais. Imagination. Esprit. Alors, elle avait dit BD. Bande dessinée. Alors, c'est 2 mots au BD, mais en fait, comme elle avait déjà mis 5 minutes à trouver le mot, on a accepté. Vous avez accepté. D'accord. Allez. Elisa, faut que t'encourages Glandu, il reste 2 mots. Allez, Glandu. T'inquiète, Elisa, on va y arriver. Très simple. Ok. On y va. Pression. Bouton. Ah non. Glandu. Non. Pneu. Ah, bien pression des pneus. Oui, mais non. Eh oui. C'est évident, mais bien sûr, Elisa. Un mot. J'adore les pneus. Un mot. Il reste un mot. Allez. Gratuit. Payant. Elle avait dit offert. Ah non. Eh oui, gratuit, ouais. C'est offert. Bah oui, c'est gratuit. Eh oui, gratuit, c'est pas payant. Oh là, bah oui, bah gratuit, c'est pas payant. Bah oui, bien sûr. Oui. Oh, Elisa, on est désolé. Y a pas de soucis, mais merci en tout cas, je vous écoute tous les matins, continuez, franchement c'est super, merci beaucoup. Eh ben merci à toi Elisa d'être là chaque matin avec nous. Tu sais quoi, on va t'offrir le kit de l'été. Ok, mais merci, c'est très gentil. Et toi tu es très poli. Le kit de l'été, Manu dans le 6-9, c'est le t-shirt Manu dans le 6-9, c'est les tongs Manu dans le 6-9, la gourde, le sac banane, le mug, le tote bag, l'ouvre-bouteille des capsuleurs, l'autocollant, ouin à bord, c'est important en voiture. Il y a aussi des préservatifs parce que c'est important l'amour aussi, le tablier de cuisine et... Les grosses nouveautés de cette année, c'est l'enceinte Bluetooth étanche et la batterie de secours pour téléphone portable. Ça te et sauve. Oui. Ça, c'est génial. C'est le kit de l'été Manu dans le 6-9. On te l'offre, Elisa. Et vous savez quoi? On va vous en offrir plein maintenant. Ah, super. Cool. On va vous les offrir sur Twitter. Allez, c'est parti. Twitter, vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9, vous dites que vous voulez le kit de l'été Manu dans le 6-9. On vous en offre plein maintenant, c'est parti. Sur Twitter, hashtag Manu dans le 6-9. 7h46, on va revenir juste après Lautner avec les enfants. Parce qu'on est mercredi. Ouais, oui. Mercredi, c'est le jour des enfants. J'ai une question pour vous, c'est très simple. C'est la fête des pères, dimanche. Qu'avez-vous offert l'année dernière à votre papa pour la fête des pères et qu'allez-vous lui offrir cette année? Super. On avait fait pareil pour la fête des mères, on fait pour la fête des pères. Oui. Vous avez moins de 12 ans, on vous prend au téléphone dans 3 minutes, juste après Lautner sur Énergie. Par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer. Tu dois sûrement te dire que c'était des paroles en l'air. Par amour, j'ai appris à ne plus voir tes défauts. Je suis pas d'accord, mais je te laisse avoir le dernier mot. Par amour, je t'ai donné ce que j'avais de plus beau. Et je refuse de vivre à travers le regard des autres. Des autres. Ou par amour, j'étais prêt à donner même ce que je n'avais pas. J'ai su que c'était toi depuis le départ. Quand tu es loin de moi, je me retrouve nulle part. Par amour. Par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Tu penses sûrement que c'est des paroles en l'air. Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer. Je n'arrive même plus à voir tes défauts. Je t'ai même laissé avoir le dernier mot. Je t'aurais même donné ce que je n'avais pas. J'ai su que c'était toi depuis le départ. Je saigne encore, je saigne encore. Je saigne encore, mais je t'attends depuis longtemps. Totalement sorti de ma tête ce que tu étais hier. Je vois loin devant nous, je ne regarderai pas derrière. C'est toi et moi en tête d'affiche sur toutes les bannières. Et j'en suis fier. Oh par amour, je te ferai briller avec 100 millions. À cause de toi, y'a plus de cendrillon. T'es devenu mon centre d'attention. Oui, par amour, je suis prêt à prendre les armes. Moi j'essuierai tes larmes. Rien n'éteindra la flamme. La flamme. Affronter le regard de ton père. Tu penses sûrement que c'est des paroles en l'air. Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer. Je n'arrive même plus à voir tes défauts. Je t'ai même laissé avoir le dernier mot. Je t'aurais même donné ce que je n'avais pas. J'ai su que c'était toi depuis le départ. Je saigne encore, je saigne encore. Je saigne encore, mais je t'attends depuis longtemps. Je saigne encore. Bienvenue sur Énergie, les 7h48, on va écouter Sean Paul, ça arrive. Et attention, dans 15 minutes, à 8h05, on double votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Avant ça, on est mercredi, c'est le jour des enfants. Si vous avez moins de 12 ans, le standard vous est réservé depuis 5 minutes. Vous nous appelez au 0870 42 48. C'est la fête des pères dimanche. La question du jour est très simple. Qu'avez-vous offert l'année dernière à papa? Et qu'allez-vous lui offrir cette année? On l'avait fait pour la fête des mères, et on l'a fait pour les papas aussi. Agathe, bonjour. Bonjour, coucou Manu, coucou les mamans. Mais coucou à toi Agathe. Tu as quel âge? 11 ans. Qu'est-ce que t'as offert à ton papa l'année dernière? L'année dernière, je lui ai offert un bracelet avec des cœurs. Un bracelet en élastique bleu parce qu'à l'époque c'était la mode. Et un dessin avec des cœurs et avec marqué bonne fête papa. Oh. D'accord. Oh, cool. Un bracelet et un dessin. Et cette année, est-ce que tu as complètement changé? Oui. Alors, en fait, on va lui offrir avec ma maman un Bermuda à fleurs parce qu'il adore les Bermuda et les fleurs, mais moi, j'aime pas les Bermuda. Eh oui, mais personne n'aime les Bermuda à part ton père. Ah, oui. C'est le problème de ton père. Il nous emmerde. Il nous met la honte. Mais on aime ton papa. Ouais. On te remercie de nous avoir appelé, Agathe. On t'embrasse bien fort. Il y a Jade qui est là. Bienvenue, Jade. Coucou Manu, coucou les ouin-ouin. Salut. Hello. Jade, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Qu'est-ce que t'as offert à ton papa l'année dernière? L'année dernière, j'ai offert une peluche Star Wars Maître Yoda à mon père parce qu'il est fan de Star Wars. Tu lui as offert une peluche et il dort avec? Non. Non, mais il aimerait bien, mais maman refuse. Il est fan de Star Wars. Et est-ce que cette année, du coup, tu vas lui réoffrir un nouveau truc Star Wars? Oui, cette année, je vais pas prendre de risque. Je vais lui offrir un doudou Star Wars. Comme ça, je suis sûre de lui faire plaisir. Oh. Ah ouais. Ah oui, d'accord. On est dans la thématique. Ouais, mais ça, quand t'as un filon et que t'es enfant, tu lâches pas. Moi, ma mère, elle m'a dit qu'elle adorait les figurines d'éléphants. Tous les ans, je lui offrais des figurines d'éléphants. Ah ouais. De différentes tailles, quoi. C'est qu'elle en peut plus, ta mère. Ah, oui, je sais, elle me l'a avoué, mais 15 ans après. On t'embrasse, Jeanne. Merci de nous avoir appelé. Angelo est là. Bonjour, Angelo. Salut, Manu. Salut, les wouah. Salut. Bienvenue sur Énergie. Tu as quel âge? 10 ans. Et qu'est-ce que t'as offert pour la fête des pères à ton papa l'année dernière? Un polo d'une valeur de 40 euros. C'est... Oh. Hey, mais comment tu les as eus, les 40 euros? Bah, avec l'argent de mon anniversaire. Mais il est trop généreux, ah, génial, Angelo. Sympa. Bah, dis donc, un cadeau de 40 euros. T'as réussi à pas aller acheter les bonbons? Oh non. Bravo. C'est le genre de cadeau où tu laisses le ticket de caisse dedans, quoi. Ah oui, c'est pour bien montrer que t'as dépensé. Et tu t'en rappelles, des 40 euros, hein? Oui. Oh, t'es son ami, quoi. Et est-ce que quand tu l'as offert à ton père, t'as dit, tiens, voilà 40 euros en polo? Oh non, je lui ai pas dit ça. Oh, c'est bien. Chic. Ouais, bravo. C'est bien, c'est bien. Et cette année, Angelo, qu'est-ce que tu vas offrir à ton père pour la fête des papas? Un t-shirt avec marqué Super Papa dessus. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est cool. C'est bien, mais attends, on attend tous le prix maintenant. Ouais. Oh bah 15 euros environ. Ah oui. Bah forcément. Dépense moins cette année. Déjà une fois on n'achète pas de bonbons, là ça commence à. Ouais, dans 3 ans il lui demande de l'argent. Et après pour la fête des pères, il s'assiera et lui dira bah, donne-moi un cadeau. Allez. Merci de nous avoir appelé, Angelo. Belle journée à toi. Bonne journée. 7h52, soyez les bienvenus sur Énergie, on est mercredi, c'est le 13 juin. Et cette journée, comme chaque jour, on la démarre ensemble. À 8h05, on double votre salaire. Et tout de suite, c'est Sound of Legend. Bon réveil sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, 7h55, on va revenir tout de suite avec Sean Paul. Et dans 10 minutes pile, à 8h05, c'est peut-être vous qu'on appelle en direct pour doubler votre salaire. Énergie.fr, Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69 pour vous inscrire. Ouais. On double votre salaire. Manu dans le 69, retrouvez-nous aussi sur l'appli Manu dans le 69. Énergie. Gagnez vos places pour le Energy Music Tour à Disneyland Paris. C'est un truc de fou. Avec la phrase Energy. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Energy. Je veux mes places pour le Energy Music Tour à Disneyland Paris.

Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Qu'on amène le coq, qu'on le prépare et qu'on le fasse chanter. Énergie. Attention, dans 10 minutes, hier on l'a pas fait. Ah ouais. C'est le retour. Ah bah oui. C'est le retour. Des roulements de tambour, des sons de trompette. Ah ouais. Et des blagues. Ouais. Le festival des blagues arrive dans 10 minutes sur Énergie. C'est là, on se rend compte que ça nous manque, les petits sons de tambour et trompette. Mais tu sais quoi, je rêverais de passer ma vie avec un mec derrière moi qui fait. Ce serait tellement génial. Oui. Le festival des blagues, du rire à gogo à gaga, ça arrive dans 10 minutes juste après Sean Paul. On double votre salaire dans 3 minutes après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Un grand ouf de soulagement ce matin. Le ciel est enfin dégagé sur la quasi-totalité du pays. Belle accalmie qui fait du bien après les intempéries des dernières heures. Du soleil ou des éclaircies au menu ce mercredi partout. Encore quelques orages, c'est vrai, en Nouvelle-Aquitaine. Une quinzaine de départements restent en vigilance inondation, de la Sarthe à l'Eure en passant par les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Garonne. Cet après-midi, il fera 19 degrés à Sedan, compté 21 à Toulon. Plus 500% à Paris, plus 340% à Montpellier. Personne en France n'est épargné depuis le début du mois. Les cumuls de pluie sont donc à hallucinant, ça va mieux ce matin, en tout cas notamment du côté des grands axes, mais hier de nombreuses routes ont été coupées pendant de très longues heures à cause des inondations. Un RER a même déraillé à la suite d'un glissement de terrain près de Paris. Selon les spécialistes, il faudra sans doute s'y habituer à l'avenir. En tout cas, le soleil devrait s'installer pour quelques jours en principe sur la France. Le point SNCF, 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 2 Intercités sur 5 au programme dans vos gares ce mercredi. Depuis hier, c'est officiellement le mouvement le plus long de l'histoire des cheminots. La CFDT, l'un des principaux syndicat, a décidé tout de même de faire une trêve pendant le bac la semaine prochaine pour permettre aux élèves de passer leurs examens tranquillement. À la CGT, par contre, on évoque déjà de nouvelles dates de grève pour le mois de juillet. Parcoursup, le dernier bilan actualisé, 78% des inscrits ont désormais reçu au moins une réponse positive pour leur orientation dans les études supérieures. Ça avance, mais tout doucement. Dans l'actu également, aucun blessé hier lors de la prise d'otage qui a eu lieu en plein cœur de Paris. Un homme de 26 ans, connu de la police pour de la petite délinquance, a séquestré deux personnes pendant 4 heures avant d'être neutralisé. Le forcené était apparemment déboussolé psychologiquement. Il a été admis en hôpital aujourd'hui. Du foot avec une grosse frayeur pour les Bleus à quelques jours de leur entrée dans la Coupe du Monde. Kylian Mbappé a quitté l'entraînement hier après un choc à la cheville avec un coéquipier. Heureusement, quelques minutes plus tard, il a tweeté pour rassurer ses supporters. Rien de grave selon lui. L'attaquant français devrait donc être opérationnel pour le match face à l'Australie samedi. Une sortie ciné ce matin, Ocean's 8, et son casting de dingue. Sandra Bullock, Rihanna, Kate Blanchett, Anna Tawai. Il fallait bien ça pour remplacer Brad Pitt et George Clooney. Et l'histoire de 8 braqueuses qui font équipe pour voler un collier de plus de 150 millions de dollars. C'est le carton de la semaine au box-office américain. Un film énergie. Avis aux fans de Stranger Things pour finir. La troisième saison ne sortira sans doute pas avant l'année prochaine. Elle est en cours de tournage. Alors pour patienter, on pourra se plonger dans la lecture de deux bouquins consacrés à la série annoncés pour cet automne. Le premier devrait explorer les coulisses de la série. Pour le second, il s'agira plutôt d'un manuel de survie pour résister dans l'univers du show. 8h04, c'est la fin de ce flash, mercredi 13 juin. Très bon réveil, très bonne matinée sur Énergie. Tout de suite, c'est Manu dans le 6-9 qui continue. Bonne journée. Nous sommes mercredi, c'est le 13 juin 2018 et comme chaque jour on est avec vous pour démarrer, pour créer ensemble cette journée. On est là en direct dès 6h, on est là jusqu'à 9h30, tous les moins du matin sont là. Laure est pas là ce matin parce qu'elle est malade, mais il y a Nicolas Webb. Bip bip. Le retour de la gaffe. Paulette au standard évidemment est là aussi. Il y a Glandu. On va écouter Sean Paul dans 3 minutes, on va doubler votre salaire, mais avant ça, la Coupe du Monde démarre demain. J'ai un sondage, enfin il y en a plein là. Les Français et eux, foot, c'est parti. Selon un sondage, 64% des Français vont suivre la Coupe du Monde. 18% ne suivront que les matchs des Bleus. Et là on entre dans des chiffres plus rigolos. 16% estiment que leur patron doit adapter les horaires de travail pour les laisser regarder les matchs. Ce qui est improbable quand même. Et alors 10% des Français ont prévu de ne pas aller travailler les jours de match des Bleus. Mais non, c'est vrai. Ouais. Mais c'est grave ça, c'est on n'a pas le droit. Bah, c'est sûr que ça va se voir un peu. Hein. Bah oui. Et Thierry, il est malade tous les jours des matchs des Bleus. Du coup, il doit être au lit, il ne doit pas les regarder, hein, le pauvre. Oh. Allez, 8h05. La France va être ralentie hein, pendant un mois. Là. On va doubler votre salaire tout de suite, parce qu'il faut bien le doubler, le salaire qui sert à rien. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. C'est chaque jour comme ça, il suffit de vous inscrire à énergie.fr ou manu dans le 69.com ou sur l'application Manu dans le 69. Lise habite Talence, c'est en Gironde, c'est à côté de Bordeaux, elle a 36 ans et elle touche chaque mois 1443 euros. Attention Lise, je t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Décroche ce téléphone coquine. Allô, c'est Lise ? Allô, oui ? Oui, c'est Lise de Talence ? C'est bien ça ? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Et ben voilà ! Comme tu dis, Lise, c'est ta journée ! Oh, trop génial! 1443 euros, c'est ce que tu touches chaque mois. Et bien, ce salaire, je vais le doubler. Ça va faire pour toi 2886 euros. Formidable! Merci, Manu! Alors, attention, Lise est dans le monde du sport. Ah! Pas le foot! Ouais. Mais avant de s'écouter Sean Paul, on va s'attarder quelques instants sur son métier. Ouais. Elle est secrétaire pour la Fédération Française de Boxe. Oh. Ah ouais, c'est classe. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu travailles pour les hautes instances de la boxe. C'est ça, en fait je travaille à l'antenne régionale de la Fédération, donc ici en Aquitaine. Mmh. Et puis je travaille pour les clubs de boxe, je fais les licences, j'aide à l'organisation des compétitions. Alors j'ai une question Lise, vraiment, et c'est une vraie question que je me pose depuis que je suis petit. Ah. Je ne comprends pas le principe de se taper dessus et d'en faire un sport. De quoi? Ah. Mais à la limite, les arts martiaux, machin, il y a des gestes, il y a des trucs de méditation, tout ça. Mais je comprends pas le principe de deux personnes, mais vraiment, qui arrivent dans une pièce et qui se disent on va se taper sur la tête et le but c'est de faire tomber l'autre. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer? Vraiment, c'est une vraie question. Il faut le voir comme un sport de combat. C'est un sport à part entière. Il y a beaucoup de règles. Hein. C'est très réglementé. On n'a pas le droit de toucher toutes les cibles. Et lorsqu'on apprend à faire de la boxe, on apprend aussi bien à donner un coup qu'à se défendre. Ah, donc, c'est le principe. C'est le principe. Voilà. Sinon, le mec arriverait sur le ring, il tape et bim, c'est fini. Exactement. Donc, il faut savoir super bien se défendre. Mais c'est de ne pas prendre de coups. Oui, mais c'est raté. Hein. Ouais. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous les boxeurs. Les mecs, vous avez loupé les cours. Hein, parce qu'ils s'en prennent dans la gueule. Hein. Ouais. Et tu parlais des règles. Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire des guillis à un boxeur pendant un combat? Vaut mieux pas. Tu risques d'avoir l'entraîneur qui te tombe dessus. Non, mais j'ai la réponse. Au départ, ils avaient le droit de faire des guillis quand ils faisaient de la boxe. Et en fait, on en a eu marre. Du coup, on a dit comment on peut faire pour qu'ils arrêtent de faire des guillis. Ouais. Et ils ont inventé les gants de boxe. Et voilà, essayer de faire des guillis avec des gants de boxe, c'est impossible. C'est comme ils n'ont pas le droit de boire un café. Impossible de boire un café avec des gants de boxe. Ah ouais, il y a tout un tas de trucs. Ils n'ont pas le droit de faire du tricot sur le ring. Par exemple. C'est à cause des gants de boxe. Les gants de boxe, en fait, ont été inventés pour les empêcher de faire quoi que ce soit d'autre. Wow, merci Manu. Ça me fait plaisir, je suis là aussi pour ça. Lise, on te double ton salaire. Bravo à toi. 2886 euros. Ça arrive très vite pour toi. On t'embrasse. Merci beaucoup, je vous aime trop les Wawin et toi Manu aussi. C'est gentil. Et ben nous aussi on t'aime Lise. Ouais. Merci d'être là chaque matin avec nous. Sean Paul tout de suite sur Énergie et juste après attention. Retour du festival des blagues, du rire à gogo à gaga, des roulements de tambour et les sons de trompette. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Jingle up your body, jingle up your sing sing. Baby girl, come be loving on your body. know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy when your fingers don't box. In girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet drop. I know I see when me want for your talk. My eye, the punchy, precise and exact. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like some best when I'm spreading it to a bar. You know how to swing. Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. I'm glad to enable you are running sing thing. Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for your night of bluffing? With your stamina king, me hear your body calling. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. Sur Énergie, il y a le dernier Kinvé pour vous qui arrive. Et puis on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. On va aussi écouter les messages que vous envoyez sur notre application Manu dans le 6-9, les messages vocaux. Mais avant ça, attention du rire à gongon à gaga. Manu dans le 6-9, le festival des blagues sur Énergie. Comme chaque matin aux alentours de 8h10, c'est parti pour le festival des blagues. Nous vous garantissons du rire à gongon à gaga, des roulements de tambour et des sons de trompette. Yes. La preuve. Ah ouais. Alors, on démarre avec une blague de notre enceinte connectée. Écoutez bien. Qu'est-ce qui est jaune et qui court vite? Un citron pressé. Ah oui, oh, c'est bon. Ça marche. Pourquoi pas? C'est l'enceinte connectée, hein. Ouais, son niveau. Nico Youeb, une blague. J'en ai une. J'ai 3 nez, 2 bouches, 4 yeux et 5 oreilles. Qui suis-je? Un mec qui vient de se faire je sais pas. Horrible. Génial. Ça tient. Ça tient. Ça marche. Nous avons une blague de Myrtille qui nous l'a envoyée sur l'application Manu dans le 6-9. Écoutez. Quelle est la différence entre du chocolat et une belle-mère? Le chocolat, ça constipe et la belle-mère, ben, ça fait chier. Oh, ah ouais, ah ouais. Ça balance. Ok. Ça ah ouais. Elle marche. Bah, je sais que t'en es lourd sur la patate avec ta belle-mère, Nico, donc évidemment, celle-là, elle t'a beaucoup plu. Une dernière blague, Glandu. Un peu longue, mais très efficace. Deux femmes se promènent dans un cimetière et soudain, elles ont très envie de faire pipi. Et là, il n'y a pas de toilette, donc qu'est-ce qu'elles font? Elles décident d'aller se soulager derrière une tombe. Oh. La première, elle a rien pour s'essuyer, donc elle prend sa culotte, elle s'essuie, elle jette la culotte. Oh. La deuxième, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un ruban d'une couronne florale qu'elle attrape, et elle se sert d'un ruban et elle le jette. Ouais. Et le lendemain, il y a les deux maris des deux femmes qui se croisent dans la rue, et t'en as un qui dit à l'autre, moi je sais pas quoi penser, mais ma femme hier, elle est rentrée sans culotte. Et l'autre, il dit, t'as de la chance, moi c'est encore pire. J'ai retrouvé une carte entre ses fesses qui disait « De la part de tous les gars de la caserne de Melun, nous ne t'oublierons jamais. » Oh mec, elle est dure. Longue, mais drôle. Voilà, en plus, 8h14, c'est parfait, c'est l'heure vraiment où on emmène nos enfants à l'école. Ouais. Et maintenant, bonne chance, vous leur expliquez la blague. Le festival des blagues revient demain. Manu dans le 6-9, le festival des blagues sur Énergie. Il est 8h15. On va écouter les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico du web qui s'en occupe. Qu'est-ce qu'on va. On a reçu un message d'une femme qui s'appelle Galéoué et qui a un message. Elle s'adresse à son mari. Juste un conseil pour lui. Mec, fuis. Très bien, on reste dans le même mood. Ouais. À tout de suite. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans 3 minutes, on lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on écoute les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Après Kinvé. Bien pour être ton amour et à ce qui paraît. donne, donne, donne-moi le temps de t'expliquer ce que je ressens depuis des mois. Allez, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne-moi. Le fait que je perde mes moyens lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec toi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu bon réveil sur Énergie. On va écouter Ariana Grande. Il y aura aussi le dernier Pink qui arrive pour vous. Et tout de suite, on lit tous les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et on écoute aussi les messages que vous envoyez, les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico du Web qui récupère tout et qui les partage avec nous. Ouais. Hier à 7h20, on a répondu à cette question. Qu'est-ce qui finalement n'était pas si compliqué que ça à faire? C'est vrai, où on se dit à chaque fois, mais comment je vais réussir à le faire? Et quand on réussit à le faire, on fait, c'était pas si dur que ça. Ouais. Il y a Olivia sur Facebook qui nous dit, devenir vegan, j'ai découvert une passion pour le tofu et le soja. Ah, oh, mais non. Si elle est passionnée par ça. Ouais. Paulette. Mais c'est comme tout, à force d'en manger, au bout d'un moment, tu te dis, c'est trop bon. Faut savoir juste mettre des trucs dedans pour que ce soit bon. Paulette, tu n'as, la toujours, sauce, pas, quoi. Tu n'as toujours pas compris que tu n'étais pas crédible en tant que vegan. Ça. Ah oui, ça marche pas. Non, mais c'est du tout. Non, mais ça fait donc depuis le mois de septembre que Paulette te dit, je suis vegan, je suis vegan. Mais quand on va au resto, elle dit, oh, je croque dans ton bœuf. Mais parce que j'ai des baisses de tension, j'ai besoin. Dis donc, t'as les sacrées baisses de tension. Hein. Et puis, t'as les baisses de tension, c'est vraiment un coup. C'est pas de chance, c'est à chaque fois au resto. Et c'est à chaque fois au resto quand quelqu'un prend de la viande. C'est dingue, mais c'est une coïncidence. La Paulette, elle a compris que plus il y a de vegan, plus il y a de viande pour elle, quoi. C'est la technique. Autre chose. Ouais, un autre truc qui était finalement pas si compliqué que ça à faire. Il y a Natacha qui nous dit, être maman, j'ai toujours eu peur d'avoir des enfants, puis j'en ai fait un, puis deux, puis trois et six. Mais non. Ah oui. Ah, c'est, elle s'est lancée devant, quoi. Elle y a pris goût, quoi. Ah ouais, bah c'est comme les vegans, on goûte au tofu, mais après ça arrive plus. Il y a Bibiche aussi sur Twitter qui nous dit, donner son sang, je me suis évanouie, mais la cause est belle. Effectivement. Ouais. J'ai donné mon sang aussi, je me suis évanoui après. Ah bon? Ouais. Bah du coup c'est stressant quand il retourne après. Ouais. Et puis il y a la collation à la fin, quoi. C'est ça qui fait tenir. Ouais, c'est ça. Ça aide à tenir. Mais moi j'ai. Alors vraiment c'est le mauvais coup de cul. J'ai donné mon sang, je vais, il y avait carrément du poulet. Ouais. Non. Donc, je m'assieds et là, pum. Oh non, t'étais déjà crevé. Mais avant de tomber, je fais la cuisse de poule. un dernier message de truc qui était finalement pas si compliqué que ça à faire. Là, on respecte. C'est Nicolas qui dit construire ma maison. Oh, là, tu dis, okay, c'est pas si compliqué que ça à faire. Ouais, apparemment, là, tu dis, on n'a pas mieux, quoi. Déjà, il y a déjà une maison Playmobil, j'y arrive pas. Bon, chaque matin, on écoute tous les messages vocaux que vous pouvez nous envoyer avec notre application Manu en 6-9. Et là, il y a quelqu'un qui a une vie plus compliquée que la nôtre. Alors attention, il faut suivre. Bonjour tout le monde. Donc hier soir, je me suis couché. J'étais en France, hein, normal, tout va bien jusque là. Je me réveille ce matin. Je me retrouve au Vietnam. Il pleut à torrent, c'est la mousson, hein. J'ai emmené les chiens pour qu'il fasse ses besoins. Il a pas voulu poser sa pêche, monsieur, parce qu'il pleuvait. Je l'ai ramené. J'ai les pieds trempés. Je suis parti au boulot avec les chaussures inondées. Bordel de merde. C'est quoi? Il est au bout. Oh, la vie est compliquée. Ah ouais. C'est chaud. Ouais. Attends, alors, c'est, ça fait, c'est un épisode de Game of Thrones. Ouais. Attendez, bougez pas. Je tente un truc. Je sais pas ce que ça va donner. Précédemment dans Game of Thrones. Bonjour tout le monde. Donc hier soir, je me suis couché. J'étais en France, hein, normal, tout va bien jusque là. Je me réveille ce matin. Je me retrouve au Vietnam. Il pleut à torrent, c'est la mousson, hein. J'ai emmené les chiens pour qu'ils fassent Non, laisse tomber, c'est sympa, bon épisode. Non. Mauvaise idée. Ouais, un autre message vocal, là c'est un mari en France qui va se faire, alors c'est le mot technique, défoncer. Bonjour Manu les Wouin. Bonjour Manu les Wouin. Aujourd'hui c'est le 12 juin, c'est mon anniversaire. Et mon mari a oublié mon anniversaire. Bise, je vous adore, continuez. Aïe. Si tu nous écoutes, que tu as oublié l'anniversaire de ta femme hier. Ouais. Deux solutions. Soit tu arrives aujourd'hui avec un cadeau incroyable, soit tu ne rentreras même plus chez toi, en fait. Ça. Et on termine avec un imitateur. Le coq. La chèvre. Le mouton. Il fait tous les animaux. Là. Il est lancé. La vache. Le cheval. Puis c'est tout. J'ai plus d'animaux.

Ah mais non, c'est Loïc. Depuis qu'on a une nouvelle douche avec fonction jette-pluie, il a jamais été aussi détendu. Ah ouais ? Peut-être que ça me ferait du bien aussi une petite pluie. Cet été avec IKEA, vous allez adorer la pluie. Rendez-vous vite en magasin ou sur IKEA.fr pour rafraîchir votre salle de bain et découvrir toutes nos nouveautés. Comme l'ensemble douche plus mitigeur thermostatique Broground à 179€. IKEA. Toyota. Nous choisissons la ville et les grands espaces. Nous choisissons le plaisir de conduire et le silence. Nous choisissons une technologie sans contrainte. Nous sommes déjà plus de 11 millions. Et ce n'est qu'un début. Nous choisissons l'hybride. Nous choisissons l'hybride. Vous aussi, rejoignez-nous. De la Citadine au SUV, il y a forcément une Toyota hybride faite pour vous. Et pendant les journées hybrides Toyota, profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 4 000€. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulier non cumulable jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, le nouveau Pink arrive pour vous et les sondages du matin, ce sera juste après. Mais avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le calme après la tempête, on se lève enfin avec le soleil. Après plusieurs jours d'intempéries sur tout le pays, un ciel dégagé au programme presque partout ce mercredi. Quelques orages encore dans le sud-ouest, mais rien à voir avec hier, heureusement. Les températures assez stables, de 10 à 19 degrés du nord au sud ce matin. Puis cet après-midi, il fera 18 degrés à Montbéliard, 21 à Lorient et Albi, 25 à Fréjus. Sinon, donc, une quinzaine de départements sont toujours en vigilance à cause des inondations ce matin. Et hier, il est tout de même tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 24 heures sur plusieurs villes, notamment à Paris. Un RER a même déraillé sans trop de gravité, heureusement, à cause d'un glissement de terrain près de la capitale. Des crues en cours de l'Ille-et-Vilaine à l'heure, en passant par les Pyrénées-Atlantiques ou encore le Gers. Dans l'actu également, la SNCF et ce trafic interrompu ce matin gare Saint-Lazare à cause d'une panne de signalisation. Il est recommandé de reporter vos déplacements si vous utilisez ou passez par cette gare. Il est conseillé donc de faire autre chose. Sinon, côté grève, environ 3 TGV sur 5 sont en circulation pour un TER sur 2 et 2 intercités sur 5. La plupart d'entre eux sont en pleine révision. 78% des inscrits sur Parcoursup ont déjà reçu au moins une réponse positive pour leurs études supérieures. Le dernier bilan actualisé est donc tombé hier. 180 000 lycéens vont donc commencer à plancher sur leurs épreuves du bac lundi sans savoir ce qu'ils feront à la rentrée. Une prise d'otage hier en plein Paris. Un homme de 26 ans, déboussolé psychologiquement, a séquestré 2 personnes dans un immeuble pendant 4 heures. Les raisons restent encore floues ce matin. Pas de blessés, heureusement, puisque la police a tout de même réussi à neutraliser le forcené qui se disait armé. Il était connu pour des faits de petite délinquance. Elles sont belles, talentueuses, mais il vaut mieux s'en méfier. Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter préparent le cast du siècle dans Ocean's 8, au ciné aujourd'hui avec Énergie. Ensemble, elles forment une équipe redoutable, pilotée par Sandra Bullock, le cerveau de l'affaire. Dans leur viseur, un colis à plus de 150 millions de dollars et rien ne les fera reculer. What they're stealing is not money. Elles ne veulent pas d'argent. D'ailleurs, ce n'est pas tant le vol qui est intéressant, mais surtout la façon dont elles s'y prennent, le défi à relever. Elles font ça au Met, un immense musée à New York, un endroit public au milieu d'une centaine de personnes, devant les caméras, en pleine soirée de la Fashion Week. On peut se demander pourquoi quelqu'un qui sort de prison tente un coup pareil. C'est comme si elle demandait à y retourner. Voilà pour Sandra Bullock qui est donc à l'affiche du film événement Ocean's 8 au ciné aujourd'hui. C'est bien sûr un film avec énergie. 8h34, c'est la fin de ce flash. Très bon réveil, très bonne matinée. Comme d'habitude, vous retrouvez Manu dans le 6-9 à 7h06. On est le mercredi 13 juin et on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le dernier point sur l'actu de la matinée. Bonne journée. Il est 8h34 et on est là avec vous comme chaque matin. C'est Manu dans le 6-9 avec les Wouah du matin. Soyez les bienvenus. Il y a le nouveau Pink que j'adore. Ah ouais, ouais. Qui arrive pour vous dans deux minutes. Et juste après, ce seront comme chaque jour les sondages du matin. 5% des gens n'arrivent pas à faire cette chose très simple que 95% des gens arrivent à faire. Ok. Ouais. C'est 5% de gens ont un souci et quand ils n'arrivent pas à le faire, c'est rigolo parce qu'on leur demande tout le temps, vas-y, réessaye encore. Ah ouais, ok. Et c'est pas très gentil, mais bon. J'ai trouvé sur internet une liste très drôle de raisons totalement absurdes pour lesquelles les enfants ont déjà pleuré. Et ce sont des raisons données par les parents eux-mêmes. D'accord. Je vais vous lire dans un instant, mais avant ça, sur l'application Manu dans le 6-9, vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. Il y en a un qui est arrivé pour Paulette. On a tout à l'heure parlé, enfin c'est Paulette qui nous a dit, ça y est, je sais avec qui je peux peut-être trouver l'amour, un lion. Ouais. Donc elle nous a dit un lion, donc on a dit, j'espère que c'est pas l'animal, elle a dit non, c'est le signe astrologique, parce que j'ai lu que je suis cancer et que le meilleur signe pour moi, ce sont les lions. Igor t'a répondu, Paulette. Écoutez bien sa réponse, l'application Manu dans le 6-9, voici son message. Salut, bonjour à tout le monde. Pour la recherche de Paulette, le meilleur signe astrologique pour le cancer, c'est Scorpion. Expérience de moi-même. Donc selon alors, l'expérience de lui-même. Alors, le signe, c'est Scorpion, ascendant bourré. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Allez, 8h36. Voici une liste que j'ai trouvée sur internet des raisons les plus absurdes données par les parents eux-mêmes pour lesquelles les enfants ont déjà pleuré. Avant de s'écouter le nouveau Pink, écoutez la liste. Mon fils a pleuré parce que je ne lui ai pas laissé manger de cailloux. Oui, c'est compliqué. Bah oui, mais c'est quand même mieux. Ouais. Ma fille a pleuré quand j'ai refusé qu'elle trempe sa brosse à dents dans mon verre de vin. Ma fille a pleuré parce qu'elle a fait coucou à un avion dans le ciel et les gens n'ont pas répondu. Si les gens répondent, c'est compliqué pour l'avion. Mon fils a pleuré parce que je lui ai interdit d'attraper notre chien par la queue. Ma fille a pleuré parce qu'elle a raté son bonhomme en ketchup sur ses pattes. J'ai dit non à mon fils pour qu'il me suive aux toilettes. Il a pleuré. Mon fils a pleuré parce qu'il ne voulait pas se lever, mais pas rester couché non plus. Il savait plus ce qu'il voulait. C'est compliqué. Et un petit dernier, ma fille a pleuré lorsqu'elle a eu la dernière feuille du papier toilette. C'est génial. Je m'adresse à vous, parents. Il est 8h37, vous avez déposé vos enfants à l'école, venez balancer. 0870 42 48. Complétons cette liste. Donnez-nous une raison totalement débile pour lesquelles votre fille, votre fils a pleuré. 0870 42 48. Le temps que vous nous appeliez, vous nous racontez ça d'ici une petite dizaine de minutes. Tout de suite, c'est le nouveau Pink sur Énergie avant les sondages du matin. Running like a dog, fighting like a bitch too much. And you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits. Cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge. Cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know you think it's me. Énergie, 8h40, on va écouter Nestro avec Bella Ciao, ça arrive pour vous, mais avant ça... Comme chaque matin, voici les sondages du matin. Yes. Oui. Ouais. Parce qu'on est le matin et que ce sont les sondages. Uh-huh. Uh-huh. 3% des hommes ont déjà prétendu aimer ça pour plaire à une fille à un premier rendez-vous. Ils ont prétendu aimer quoi, Nico? Les magazines féminins? Non, c'est pas ça. Les livres? Non, faut pas pousser non plus. C'est pas ça, Paulette? Le ménage? C'est pas le ménage. C'est un objet ou pas? Non, c'est pas un objet. Ah. Cuisiner? C'est vivant. Ah, oula. Hein? Ah, les chats? Non. Ah. C'est un animal? Non. Oula. Ah. Les enfants? Bah, les enfants, bonne réponse. Bah, oui. Ah bah oui, c'est vivant. Bah oui, bah c'est vivant. Que des animaux, c'est pas les enfants, pas les enfants. 3% des hommes ont déjà prétendu aimer les enfants pour plaire à une fille à un premier rendez-vous. Ouais, pas mal. C'est genre, tu veux avoir des enfants? Ah ouais, j'en rêve tellement. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, dans sa tête, c'est je rêve de toi. Chaque année, nous sommes 1500 à nous blesser aux yeux avec cet objet. Quel est cet objet d'après vous? Une petite cuillère? Non. Un stylo? Non. On se blesse à l'œil, c'est totalement improbable. Une baguette chinoise. Une baguette. Baguette chinoise? Bah oui. Bah tu manges et paf. Non, c'est pas ça. C'est un truc qu'il y a dans un bureau ou pas du tout? Ça ne sert pas à manger et ce n'est pas dans un bureau. Un mange-aspirateur? Non plus. Ouais. Ah, c'est plus petit, beaucoup plus petit. Tu l'utilises à la maison? Oui, tu l'utilises à la maison. Une pince à linge? Non. C'est dans la cuisine? Dans la salle de bain. Ah. On en a tous dans la salle de bain. Enfin, j'espère pour vous. Bah du mascara, mais peut-être vous en mettez pas du coup. Tu rigoles ou quoi? Je suis férue de mascara. En te brossant les dents? C'est quasiment ça, c'est avec la brosse à dents. Ouais, c'est dans ça. Dans l'œil. 1500 blessures à l'œil chaque année avec la brosse à dents. Bah oui, ouais. Parce que moi ça m'arrive, tu mets beaucoup d'énergie et là ça dérape et paf, ça part dans l'œil. Bah c'est chelou. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Alors jamais de blessure à l'hôpital. C'est chelou, mais comme dit le proverbe, si c'est chelou, c'est glandu. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. 5% des gens avouent qu'ils ne savent pas faire cette simple chose. 95% des gens y arrivent. C'est quelque chose qu'on fait avec le corps. Mais 5% des gens n'y arrivent pas. Tirer la langue? Non. Siffler? Non plus. Oh, je pense qu'il y a plus de gens qui savent pas siffler. Ah ouais? C'est un bruit qui sort de toi ou pas du tout? Ça fait du bruit. Hein? Ça fait du bruit, oui, quand on le fait. Éternuer? Non, ce n'est pas avec la bouche. Ça n'a aucun rapport avec le zizi. Aucun rapport avec le zizi. Et je donne la réponse à ta question d'après. Aucun rapport avec le cucu non plus. Ah oui. D'accord, je suis foutu là. Un rapport avec les pieds? Non, rapport avec les mains. Avec les mains. 5% des gens disent qu'ils n'y arrivent pas. Claquer des doigts? Claquer des doigts. Oh, c'est triste. Ah ouais? 5% des gens n'arrivent pas à claquer les doigts. Alors attendez, je vois le sourire de Paulette. Me dis pas que tu sais pas. Ah si, attends. Bah voilà, tu sais. Bah oui. Ouais, mais ça fait pas de bruit, moi. Bah si, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Hein. Ouais. Voilà. Elle se sous-estime. En revanche, t'as l'air très con, hein. Ouais. Je comprends pourquoi t'as voulu faire de la radio. Les sondages du matin reviennent demain, évidemment, à la même heure. Maestro, tout de suite. Bella Ciao. Et juste après, vous êtes papa, vous êtes maman, venez nous dire pourquoi votre fils, votre fille, votre enfant a pleuré. Pour une raison totalement absurde. On vous prend au téléphone dans 3 minutes. Una mattina, mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi son svegliato. Ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, je t'en prie, pardonne-moi. À contre-cœur, oh bella ciao. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur. La la la la la. La la la la, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, la la la la la. Sur Énergie, 8h46, on va s'écouter Zest. J'adore ce site, ça fait tellement cool. Film américain de à la fac. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ça arrive dans 2 minutes pour vous. Avant ça, vous êtes papa, vous êtes maman, venez compléter cette liste qu'on a trouvée tout à l'heure de raisons totalement absurdes données par les parents eux-mêmes pour lesquelles leurs enfants ont déjà pleuré. Ouais. Il y en a quelques-unes que je peux vous rappeler. Mon fils a pleuré parce que je ne lui ai pas laissé manger de cailloux. Oui, c'est ça. Ça marche. La mienne a pleuré parce qu'elle a fait coucou à un avion dans le ciel et les gens n'ont pas répondu. Ouais. 0870 42 48, on a Laurie qui est là. Bienvenue Laurie. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Laurie, salut. Tu as une petite fille, un petit garçon? Ah, j'ai un petit garçon. Et il a quel âge? Il a 2 ans et demi. Et pourquoi il a pleuré pour une raison totalement absurde? Parce que je l'ai empêché de manger un gâteau qui était périmé depuis environ 2 ans dans le placard. Ah ouais, mais à deux ans et demi, évidemment, il ne comprend pas. Bah oui, ouais. Non. Et oui, donc tu as dit qu'il était périmé, il a pleuré. Non, j'ai dit qu'on mangeait pas, que c'était pas bon et c'était la fin du monde. Ah ouais. Mais ce placard, on est d'accord que tu l'ouvres pas des masses. Non, j'avoue. D'accord. Il était caché le paquet. D'accord. Il était caché, lui, il l'a retrouvé. Le gâteau, tu le réservais pour ton mec. Le jour où il fera la boulette. C'est ça. Y a autre chose encore? Il pleure pour d'autres trucs un peu étranges? Ah bah oui, quand je l'empêche de taper son frère avec la pelle. Ah oui, alors effectivement, c'est. Ça va dans la famille sinon. Vous êtes étrange quand même. Hein. Que fait un enfant en bas âge avec une pelle dans les mains? Une pelle en plastique. Oui. Comme le chantier quoi. Oui, voilà. Mais son frère, il est tout petit, son petit frère? Non, il a 8 ans. Ah d'accord, donc il arrive du haut de ses 2 ans et demi avec une pelle en plastique pour frapper son frère le 8 ans. Oui, il a pas peur. Voilà. En plus, il est inconscient. Il est inconscient, c'est bien. Non, c'est bien. On va vous envoyer des gens pour checker votre famille. Ouais. Ouais. Il faudra qu'ils arrêtent à un moment donné. Quoi. Si à 25 ans, ils continuent de voir taper son frère avec une pelle, ça devient parce que là, parce qu'après, on passe à la grosse pelle quand même. Ouais, c'est ça. Et puis, si tu les laisses faire, après, c'est à coup de tracteur. Donc, faut faire gaffe. Merci de nous avoir rappelé, Laurie. On a Nadia qui est là. Bienvenue, Nadia. Salut Manu, salut les ouins. Salut. Pour quelle raison totalement absurde ton enfant a pleuré? C'est une petite fille, un petit garçon? Alors c'est mon fils. D'accord. Qui était petit à ce moment-là. Raison absurde, il voulait se toiletter comme le chien, donc se lécher les fesses. Il n'y arrivait pas, il a pété les plombs. Oh non. Ah oui, il a pleuré parce qu'il n'y arrivait pas. Mais heureusement qu'il n'y arrivait pas. Ouais, mais ouais. Bon, en même temps, j'arrêtais pas de lui dire arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Il pétait les plombs. Il voulait absolument se lécher le derrière. Oh. Ah, c'est gênant. C'est chaud. Oui, donc la gênance quand il fait ça dehors quoi. Mais ouais. Ah bah oui, devant les gens, oui. Ouais, ouais. Et puis, s'il avait réussi, il aurait pleuré aussi quoi. Dans tous les cas, il aurait pleuré. Après, il y a encore l'étape d'après où quand il est dans la rue et qu'il se balade avec toi, effectivement, et qu'il y a des chiens, il court derrière et il renifle le cul. Ça, c'est gênant. Merci de nous avoir appelé, Nadia. Il y a Julie qui est là. Bonjour Julie. Bonjour Manu, salut l'équipe. Salut. Ta petite fille a pleuré pour une raison totalement débile. Oh, elle a pleuré parce qu'en fait elle voulait manger le camembert et donc elle a pleuré quand elle m'a vu lui couper un bout en fait, un morceau, alors qu'elle voulait le manger en entier. Ah. Voilà. Elle voulait manger le camembert en entier. Oui, elle comprenait pas qu'il fallait que je lui coupe un petit morceau quoi. Enfin, pour elle c'était un hamburger le truc. Ouais. Ah oui, c'est le fameux hamburger. Je rappelle qu'elle a 3 ans. Je rappelle que t'es sa maman et qu'il faut lui apprendre les choses et qu'on ne mange pas les camemberts en entier. Je ne fais que ça de lui dire. Mais c'est une grossette. C'est une quoi? Une grossette. Une grossette. Elle mange bien, ouais. Ah bah oui, bah quand tu manges un camembert en entier, oui, c'est plus grossette. Là, c'est problématique plutôt le mot. Hein. Paulette. Oui, mais un enfant, plus c'est dodu, plus c'est mignon, moi je trouve. Ouais. Oui, ah, moi j'adore. Moi aussi j'adore. Ah ok, bon, on va vous laisser ensemble. Mais il y a un moment où ce sera c'est pas trop mignon. Oui, mais à ce moment-là, quand il ira à l'école en roulant, là tu te diras c'est moins mignon. Donc fais attention quand même. On t'embrasse, Camembert Girl. Allez, bisous. Gros bisous, Julie. 8h50, Z tout de suite sur Énergie, c'est The Middle. Soyez les bienvenus. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me close. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen, floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Looking at you, I can't lie. Just pouring out admission. Regardless of my objection. Sur Énergie, 8h53. On va s'écouter David Guetta ici après les infos de 9h. Et je crois que c'est le moment. Ah, pour tout à l'heure, vers 7h, je vous ai dit que j'avais une info sur l'anus de Castor. Ah oui. Mais je trouvais qu'il était un petit peu tôt pour la sortir. Ah, vas-y, ouais, vas-y. Je pense qu'à 8h53, je peux vous donner cette info sur l'anus de Castor. Tente-le. Écoutez bien, aux États-Unis, il y a une distillerie donc, qui fabrique de l'alcool qui vient de sortir un whisky parfum. Anus de castor. Plus exactement, sécrétion d'anus de castor. On n'est pas prêt. Alors, on est d'accord qu'on trouve ça tous dégueulasse. Oui. On trouve ça ignoble, immonde d'imaginer le whisky, d'imaginer le goût. Ouais. Ok. Maintenant, écoutez bien cette info. Ces fameuses sécrétions d'anus de castor, elles sont très communes dans beaucoup d'aliments. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un substitut qui n'est pas cher pour l'arôme de vanille et l'arôme de framboise. Je vous annonce que nous avons tous quasiment déjà goûté des sécrétions d'anus de castor. Et en fait, on dit, on l'aurait vu sur le, le paquet. Sauf qu'en fait, sur le paquet, c'est simplement écrit arôme naturel. Oui, c'est ça, arôme naturel. C'est la nature, quoi. Arôme naturel. Oh, ils osent pas le dire. Et ils ne le disent pas. Et c'est utilisé pour remplacer l'arôme de vanille et de framboise. Mais non, mais pourquoi tu nous le dis, Manu? Parce que je vous ai dit que j'avais une info sur l'anus de castor. Est-ce que tu sais qui est à l'origine de ce truc-là, de cet arôme naturel? Qui s'est dit un jour, putain, il y a un castor, je vais peut-être en faire un truc. Et je le dirai à personne. Mais qui le premier s'est penché sur le cucu du castor en disant, vanille. Je vais mettre mon doigt et je vais goûter. À l'époque, ils n'avaient pas essayé les bonbons de Jelly Belly là. Vous la vouliez, vous l'avez eu. C'est l'info anus de castor. D'autres infos aussi percutantes que ça, peut-être, dans les infos de Glandu qui arrivent à 9h10. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. T'as mieux que ça? Ouais, j'en ai des pas mal. Ouais, je me défends. C'est dans un quart d'heure. On va écouter David Guetta et Sia. Et attention, les amis, on vous envoie au Gros du Roi avec nous. Yes. Juste après les infos de 9h, c'est peut-être vous qu'on va appeler en direct. Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, food veut dire nourriture. Oh, j'ai l'air fatiguée. Ouais, c'est le miroir. J'ai le teint jaune, non? J'ai la lumière. J'aurais pas un peu grossi? Mais non, c'est le meuble qui prend toute la place. Ouais, t'as raison. Faut qu'on aille chez Ikea refaire la salle de bain. C'est le moment de refaire une beauté à votre salle de bain. Jusqu'au 7 juillet, avec la carte gratuite Ikea Family, bénéficiez de moins 20% sur la combinaison lavabo Oudensvik plus meuble Good Morgan de 80 cm en blanc brillant à 215 euros au lieu de 249. Ikea. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Et 9h01, place au coq. Bienvenue. Dans 3 minutes, juste après les infos, on vous offre une semaine de vacances avec nous. Ouais. On va s'écouter David Guetta et Sia, c'est après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Un grand ouf de soulagement ce matin. Le ciel est dégagé sur la quasi-totalité du pays. Une belle accalmie qui fait du bien après les intempéries des dernières heures. Du soleil ou des éclaircies donc au menu ce mercredi. Encore quelques orages, c'est vrai, pour la Nouvelle-Aquitaine. Une quinzaine de départements restent en vigilance inondation, de la Sarthe à l'Eure, en passant par les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Garonne. Cet après-midi, il fera 19 degrés à Sedan, comptez 21 à Toulon. Les pieds dans l'eau, une quinzaine de départements donc de la moitié ouest, principalement en vigilance inondation ce matin. La faute à ces pluies diluviennes tombées sur la France ces derniers jours. Plus 500% à Paris, plus 650% au Mans, plus 200% à Nice depuis le début du mois pour les cumuls. Hier, un RER a même déraillé près de la capitale à cause d'un glissement de terrain. La plupart des grands axes routiers sont de nouveau praticables aujourd'hui, heureusement. Et puis à la gare Saint-Lazare, pas de lien en principe, juste une panne de signalisation. En tout cas, tout le trafic est interrompu sur la gare Saint-Lazare. Évitez si possible le secteur. Si vous êtes des habitués, il faut reporter vos déplacements selon la SNCF. Toujours sur les rails, la grève continue. D'ailleurs, depuis hier, c'est officiellement le mouvement le plus long de l'histoire de l'entreprise. La CFDT, l'un des principaux syndicats, a décidé de faire une trêve pendant le bac la semaine prochaine pour permettre aux élèves de passer leurs examens assez tranquillement. À la CGT, par contre, on évoque déjà de nouvelles dates de grève pour le mois de juillet. Des nouvelles de Parcoursup avec le bilan actualisé présenté hier. 78% des inscrits ont désormais reçu au moins une réponse positive pour leur orientation dans les études supérieures. Ça avance, mais alors tout doucement. Le bilan de la prise d'otage à Paris. Hier, un forcené neutralisé sans gros bobo. Deux personnes libérées mais choquées. La police est intervenue après 4 heures de négociations. Un homme de 26 ans s'est enfermé dans un immeuble de la capitale en présentant des revendications assez floues apparemment. Hier, il était déboussolé psychologiquement. Plus de peur que de mal, Kylian Mbappé devrait bel et bien pouvoir jouer contre l'Australie samedi. L'attaquant du PSG a été obligé de quitter l'entraînement des Bleus hier en Russie, victime d'un choc à la cheville. Il a tweeté dans la foulée pour rassurer les supporters. Rien de grave apparemment. La Coupe du Monde débute demain avec le match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Le ciné, la sortie du jour, l'histoire d'un braquage extraordinaire. Sandra Bullock, Rihanna, Anne Hathaway et Kate Blanchett s'allient à l'écran pour voler un collier de 150 millions de dollars dans Ocean's 8. Cette fois, pas de Brad Pitt ni de George Clooney, mais un casting 100% féminin. Un film énergie. Puis Shawn Mendes se prend des baffes dans son nouveau clip, Nervous. Il se fait gifler, bon, caresser aussi. Puis au final, rien ne semble le déconcentrer. Il continue tout de même de chanter et de jouer de la guitare. Un véritable pro, et ça se vérifiera sur scène à Paris à l'Accor Hotel Arena le 19 mars 2019. Un concert énergie. 9h04, fin de ce flash. On est le mercredi 13 juin. Comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9 qui continue sur énergie. Très bonne journée. Chaque journée avec vous, soyez les bienvenus sur Énergie. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et on va en profiter. Ah ouais, yes. On est là en direct dès 6h jusqu'à 9h30. C'est Manu dans le 6-9, c'est les moins moins du matin. Vous nous écoutez, vous dites, oh, il y a pire que moi dans le monde. Voilà. Mission accomplie. David Guetta et Sia arrivent pour vous dans 2 minutes et juste après, les infos de Glandu. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Mais avant ça, les amis, musique de place. Nous vous offrons une semaine de vacances. Comme chaque année, notre dernière semaine d'émission, Eh ben, on l'a fait au soleil, on l'a fait à la plage, on l'a fait à la mer, on part au Gros du Roi. On fera l'émission en direct du 25 juin au 29 juin, on sera en public. Ouais. Tous les matins, vous pourrez être 300 dans la salle avec nous. C'est trop cool. Et ben, chaque jour là. Et il y aura des petits déj. Il y aura le petit déjeuner offert. Et ouais, ça, attention. C'est sympa. Et c'est pas tout. Il y a plein d'activités. On va vous en parler la semaine prochaine. On va faire des trucs assez incroyables. Ouais. Tout en géant. Voilà, tout ce qu'on va faire sera géant. C'est vrai. Ça va se passer du 25 au 29 juin au Gros du Roi. Mais pour l'heure, attention, on n'y est pas encore. Mais vous, peut-être. On vous offre une semaine de vacances avec nous. La semaine du 25 juin, il suffit de vous inscrire. Facebook.com/manu69. Il y a un post, vous mettez en commentaire que vous voulez venir, on vous tire au sort et ensuite on vous appelle tous les matins. Attention, j'appelle l'un ou l'une d'entre vous maintenant. On a déjà eu 4 gagnants tout à l'heure. C'est parti, c'est maintenant. Ça a décroché. Allô ? Allô ? Oui. C'est Kevin ? Ouais, c'est Manu ? Ah. Hey, c'est les Wawas. Kevin, je t'annonce que tu es le bienvenu dans la famille des Wawas, puisque toi aussi, tu vas être avec nous une semaine de vacances au Gros du Roi. Kevin, tu gagnes une semaine de vacances avec nous. Et attention, tu ne seras pas seul. Bah, évidemment, tu seras avec nous, mais tu vas venir avec 3 personnes de ton choix. Vous venez à 4. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kevin? Alors moi, je suis psychopraticien. Pardon? Je suis en train de monter mon entreprise de psychopraticien. C'est quoi, psychopraticien? Alors, c'est une médecine douce, une thérapie brève, en fait, de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose. Il va nous hypnotiser? Ah ouais, cool. Est-ce que tu peux hypnotiser Paulette? Tu la couches et elle se réveille genre une semaine après. Je le fais déjà. Ouais, c'est vrai. Mais je suis pas mesmer, en fait. C'est pas la même chose. Moi, je peux te faire arrêter de fumer, te faire arrêter d'avoir peur de quelque chose. Voilà. Génial. Trop bien. Oh, et on pourra en faire? On pourra essayer, oui. D'accord. Super. Génial. Oh, c'est cool ça. Ah ouais. Oh, bah, et les 3 personnes qui viennent avec toi, elles sont aussi psychopraticiennes? Ah non, pas du tout. Non, rien à voir. J'ai ma femme qui est avec moi qui est avocate. Ah, c'est bien. Quand tu feras l'hypnose et qu'il y aura un drame, ta femme pourra me représenter. Non, ok. Il y aura qui encore? Il y aura mon meilleur ami, Axel. Il fait mon bichon. Il fait quoi, lui? Il est maîtreur dans une entreprise de bâtiment. D'accord, donc il pourra mesurer pour le cercueil, ok? Il pourra mesurer pour le cercueil, il pourra même creuser la tombe et tout, nickel, il vous fera des plans en 3D. Très bien. Et la dernière personne que tu veux inviter avec toi, c'est qui? Et la dernière personne, c'est sa femme qui, elle, est étudiante en langue étrangère. Elle parle plusieurs langues, le russe, un peu de japonais, de l'anglais. Et elle pourra même réciter, on va dire, les dernières noces funèbres en anglais. D'accord, très bien. Alors oui, on est thématique. Nous, on commençait à déconner en disant il y a un accident. Kevin est très sérieux, là, quand même. Tu sens qu'il a tout prévu. Mon plan va bien se passer. Ça m'angoisse pas du tout de partir en vacances avec toi. Non, pas du tout. Ça va bien se passer. Kevin, tu viens avec nous la semaine du 25 juin. Une semaine de vacances avec toi et tes 3 amis tarés. Vous serez avec nous. Et on se donne rendez-vous au Gros du Roi, mon ami. Ouais, c'est trop génial. Merci beaucoup, les Wawas. Et puis vous êtes géniaux. Continuez comme ça. On va essayer. 1, 2, 3, tu dors. Bah ouais. Ça peut vous arriver vous aussi. Pendant toute la semaine, on vous offre cette semaine de vacances pour vous et 3 de vos amis. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Ouais. Et vous serez avec nous du 25 au 29 juin pour une semaine exceptionnelle. Ça va être ouf. La semaine prochaine, on va vous raconter tout ce qu'on a prévu. Ça va être dingue. Ouais. Si vous êtes dans le coin, oubliez la Coupe du Monde, il y a mieux. 9h09, David Guetta et Sia sur Énergie, juste après les infos de Glandu. Ouais, et j'ai le pire groupe de rock au monde. Il détient son titre depuis la fin des années 60. Donc c'est solide. Ah bah on va se régaler, ouais, la bonne musique. Écouter. Profitez de David Guetta et Sia, la boucherie arrive après. Bienvenue sur Énergie. You can do this. So my love, keep on running. You gotta get to this. 9h12, bienvenue sur Énergie. On va écouter Drake et aussi Marshmello. Ça, c'est pour arriver au boulot sans se presser. Ouais, on est bien. Attention, une autre raison de rester dans la voiture et pas d'arriver au boulot, c'est que maintenant, ce sont les infos de Glandu. Ouais. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. On peut perdre jusqu'à 4 cm de taille entre notre réveil et notre coucher. 4 cm. On se tasse de 4 cm dans une journée. Ouais, en fait c'est dû aux disques intervertébraux. Ils se gorgent de liquide lorsqu'ils sont décomprimés, donc pendant la nuit. Donc c'est où ça? C'est dans le dos? Ils s'allongent, c'est dans le dos exactement. Et ça laisse échapper le liquide quand on se lève, pendant qu'on marche. Ah ouais. Et du coup on se tasse. Et ça peut aller jusqu'à 2% de la taille maximum de variation entre le matin et le soir. Donc un individu de 2 mètres, il peut perdre 4 cm en une journée. D'accord. C'est pas mal, hein. C'est ça, il peut attraper un truc le matin et le soir il pourra pas. Ouais, voilà. Oh là là. C'est con, hein. À 4 cm près, j'aurais pu avoir les gâteaux, mais non. Exactement. D'accord. Une info animaux pour continuer. Le koala dort jusqu'à 22 heures par jour. Waouh. Ouais. Et les 2 heures qui lui restent, il les passe à se nourrir. Mais c'est pas le koala qui mange les bambous là? Non, il mange des feuilles d'eucalyptus, le koala. Ah oui. Et ça explique pourquoi il dort, parce que les feuilles d'eucalyptus, ça le fatigue, parce qu'elles contiennent du poison, notamment du cyanure. Et du coup, il est obligé de digérer tout ça, et son corps va lutter contre ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va dormir. Alors, je vais dire quelque chose, je veux pas choquer les koalas. Ouais. Et vous êtes pas un peu con? Ouais. Ça va pas, les insulter comme ça? Non, mais attends, tu manges un truc qui est. C'est un poison pour toi qui te fait dormir et tu continues? C'est pas l'espèce qui va sauver la planète, quoi. Si jamais on en galère un jour qu'il reste que, on est dans la merde. Hein. Non, mais excuse-moi, mais. Qui fait ça? Ils se rendent pas compte parce que c'est mauvais pour eux. La majorité de cette nourriture est bonne pour lui. En fait, il y a une petite infime partie qui le fatigue. Ah, cette infime partie, ça le fait coucher pendant 22 heures. Ouais, c'est ça. Oui, c'est l'animal le plus paresseux au monde. Devant le singe le paresseux, devant le chat. Oui, bah là, en même temps, ça se voit. Le mec, il dort 22 heures par jour. Tu peux dire, ah non, moi, tu rigoles ou quoi? Au boulot, je défonce tout. Non, Bernard, là, ça se voit, tu dors 22 heures par jour. Et pour finir, j'ai trouvé le pire groupe de rock au monde. C'est un rock américain qui s'appelle The Shags. Et qui a été élu à la fin des années 60 comme le pire groupe de rock au monde. Et en fait, ces 4 sœurs, elles se sont lancées dans la musique après une prédiction de leur grand-mère qui tirait les cartes. Oh merde. Elle avait prédit quoi? Que ses petites filles connaîtraient la célébrité. Et donc le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il les retire de l'école, il leur achète des instruments et il les force à suivre des cours de musique et de chant. Et ça crée The Shags. Oh la vache! Est-ce que vous voulez écouter le résultat? Parce qu'elles ont quand même, elles ont édité un disque qui s'est vendu très très mal. Oui. Et du coup, c'est devenu culte, quoi. Mais elles le savent que c'est nul et elles continuent ou pas du tout? Alors non, elles le savaient pas parce que le père, il a mis beaucoup d'argent quand même dans ça en se disant ça va marcher. Et mais il existe encore le groupe? Et le groupe, non, n'existe plus. Oh, c'est bien dommage. C'est dans les années 60. Ouais. Bon, t'as l'extrait? Ouais, j'ai un extrait, ouais. Écoutons le groupe de rock le plus nul au monde. Allez. C'est génial. Ouais, alors selon les spécialistes, les chansons sont bourrées de fausses notes et elles sont dépourvues de tout rythme. Oh mais et selon même pas les spécialistes. Ouais, bon. Suffit d'écouter, hein. Ouais. T'as l'impression que c'est quoi? C'est... T'as 4 potes. 4h du matin, ils ont jamais joué de musique de leur vie, il y a des instruments, ils ont pas essayé. C'est la fête du village, quoi. Ah non, non, et même le village, il veut les enterrer, les mecs. Ouais, non, mais tout le monde est parti, mais les mecs ils disent putain, il reste les instruments, on va tenter un truc. C'est ça. Alors, elles ont fait qu'un album. Hein, étonnant. Tiré à très peu l'exemplaire, et du coup, c'est prisé des collectionneurs aujourd'hui. Ah, génial. Mais non. The Shags.

Ouais. Vous êtes tendu, vous êtes stressé, vous êtes arrivé au boulot, vous savez que vous avez une réunion tout à l'heure, votre patron vous a demandé de venir dans son bureau, vous êtes tendu, qu'est-ce qu'il peut faire? Hop hop hop. Voici l'astuce qui nous vient des États-Unis et qui arrive en France. Et déjà plusieurs fermes le proposent. Des sessions pour câliner une vache. Ah ouais? La vache aurait des capacités de réconfort insoupçonnées sur les êtres humains. C'est vrai. Vous êtes tendu, vous allez câliner une vache. Ouais. Bah, faut dire à notre boss, du coup, de mettre une vache en salle de pause. Voilà, ça va nous détendre, mais lui, ça va le tendre. C'est ça. Et on peut pas tout avoir. Bonne chance à vous si vous arrivez aujourd'hui et que vous nous faites rentrer une vache dans l'ascenseur. Vous expliquerez ça à votre patron. Ouais. Et on s'en va là-dessus. 9h31, passez une belle journée juste après nous. Il y a la playlist énergie qui va démarrer. Il y aura le dernier Calvin Harris, il y aura aussi Eva Guess. Belle journée à vous. On revient demain à partir de 6h et on vous enverra encore en vacances pendant une semaine au Gros du Roi. On aura encore de l'argent, on vous faire gagner 1 200 € au jeu des 5 mots. Plein de surprises évidemment. Mais quelle surprise? Eh bien, le temps de cette journée pour les trouver. Passez une belle journée. À demain, les wawins. À demain. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Cette semaine, chez Micromania Ting, pour la fête des pères, faites un super cadeau à votre super papa en profitant de moins 20% sur tous les produits dérivés de vos héros préférés. Figurines Dragon Ball Z, Toy Pop Avengers, mug Batman ou Zelda, peluche Mario, accessoires Deadpool. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. De quoi faire un super cadeau pour votre super papa. La fête des super papas, en ce moment et en exclusivité chez Micromania Ting. Micromania Ting. Libérons le pouvoir de l'imagination. Voir conditions en magasin ou sur micromania.fr. Cécile. Oui, Sébastien. Puis-je te susurrer quelque chose à l'oreille maintenant? C'est perso? Ultra perso. Ce sont les jours C'est maintenant chez Citroën. Et nouveau Citroën C3 Aircross ultra personnalisable est à un prix sans sas. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter? C'est ça. Pendant les jours C'est maintenant, nouveau SUV Citroën C3 Aircross avec 90 combinaisons de personnalisation est à partir de 159 € par mois. Entretien et garantie 3 ans. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. LLD 36 mois 30 000 km, premier loyer de 2 200 € réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. La jeune fille et la nuit, le nouveau roman de Guillaume Musso, toute la presse en parle. L'Express, un campus novel au pays de Pagnol. Le Parisien, irrésistible. Elle, une galerie de personnages particulièrement réussis. L'AFP, ce serait criminel de raconter la fin. La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso aux éditions Calman Lévy. Pensez-y pour la fête des pères. Leclerc. Bah, qu'est-ce que tu fais dans mon congélateur? Vous avez des glaces Ben & Jerry's, j'adore. Maman, c'est la fête des surgelés chez Leclerc. Et pour bien préparer l'été, tu as 40% de remise immédiate sur des glaces Ben & Jerry's. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le pot de crème glacée cookie dough Ben & Jerry's de 425 grammes, variété au choix, avec 40% des réductions immédiates, est à 2,15 €, soit 5,06 € le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Chocolat fudge brownie. Cookies, corn, spéculoos. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Avec ma carte La Halle, vous êtes privilégié. Pour vous et juste pour vous, La Halle réserve ses ventes privilèges. Des remises exclusives et totalement dingues sur une sélection de chaussures et de vêtements. À La Halle, il n'y a aucune raison de vous priver. C'est jusqu'au 26 juin. A tout de suite en magasin ou sur lahalle.com. La Halle. C'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés. Lorsqu'on achète une voiture d'occasion, on veut être sûr de faire le bon choix et au meilleur prix. C'est pour cela que les véhicules Peugeot Occasion bénéficient de 100 points de contrôle. Et vous avez 10 jours pour changer d'avis. Alors allez chez Peugeot Occasion en toute sérénité. En ce moment, découvrez une sélection de véhicules garantis 5 ans à moins de 5 € par jour en location longue durée après un premier loyer de 2 000 €, cumulable avec la prime à la conversion de l'État. Voir conditions en point de vente ou sur